make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. It was a big, big world, but we thought we were bigger. Pushing each other to the limits, we were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Like my daddy before me, 'cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told before the morning sun when life was lonely. Once I was 20 years old. I only see my goals, I don't believe in failure. And if we don't meet before I leave, I hope I'll see you later. Life, my woman brought children for me, so I can sing them all my songs and I can tell them stories. Most of my boys are with me, some are still out seeking glory, and some I had to leave behind. My brother, I'm still savvy, soon I'll be 60 years old. My daddy got 61, remember life, and then your life becomes a better one. I made a man so happy when I wrote a letter once. Yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Bienvenue sur Virgin Radio, 6h dans un instant, on va retrouver Camille et toute l'équipe du Virgin Tonic. Si vous êtes à Cholet ce matin, allez à la boulange de Cyril, rue du Roux, en face du musée du textile. Il ouvre dans 30 minutes, il vous offre un croissant pour un croissant acheté. Et puis du côté de Saint-Dizaine en Moselle, allez chez Fred, c'est juste à côté de Saint-Avold. Et ça marche aussi avec les pains au chocolat. Ça marche aussi avec les pains au chocolat, un pain au chocolat acheté, un pain au chocolat offert. Il est 6h, vous écoutez Virgin Radio, vous avez fait le bon choix. Camille arrive dans un instant avec Clément, avec Laure, avec Pauline, il paye votre loyer dans 20 minutes. Et juste avant, on fait évidemment un point sur l'actu avec la rédac de Virgin Radio, mobilisée. Info partout en France, c'est avec Tristan Sarah. Salut Tristan. Salut Robin, bonjour à tous. Des orages sur le nord-est aujourd'hui, encore des averses sur les Hauts-de-France et la région parisienne. De belles éclaircies en revanche sur la moitié sud où l'on attend de la grêle dès demain. 16 degrés cet après-midi à Paris, 20 à Lyon, 21 à Marseille, 22 à Bordeaux, 25 à Nîmes. La région parisienne est le centre qui reste donc en alerte aux inondations. La Seine-et-Marne est toujours en vigilance maximale, alerte rouge. Un cavalier de 74 ans est décédé hier emporté par les eaux. À Paris, les berges sont impraticables et la Seine continue de monter. Un pic proche des 6 mètres est attendu ce vendredi. Conséquence, une partie de la ligne C du RER a été fermée et plusieurs musées, dont le Louvre, vont devoir mettre à l'abri une partie des œuvres stockées dans les réserves. Un peu plus de 19 000 foyers sont privés d'électricité ce matin dans le Loiret et en Ile-de-France. Manuel Valls doit se rendre aujourd'hui dans l'Essonne. La grève se poursuit à la SNCF, un TER sur 2, 6 TGV sur 10. Les cheminots maintiennent la pression avant la dernière réunion de négociation sur l'organisation du travail prévue lundi matin. C'est la grève aussi tout ce week-end à Aéroport de Paris, mais sans perturbation. La maire de Rennes réclame l'ouverture d'une enquête après une charge policière contre des opposants à la loi travail hier près de la Rocade. Des policiers surexcités qui n'ont pas hésité à frapper des journalistes qui couvraient la manifestation. Le club de la presse de Rennes et de Bretagne a décidé de saisir le défenseur des droits. droit. 4 mois de prison avec sursis pour un gérant de bar de Clermont-Ferrand. Il a été reconnu coupable d'homicide involontaire après la mort d'un client qui avait remporté un concours d'alcool dans son établissement. Sa peine a été assortie d'un an d'interdiction d'exercer son métier. Le chanteur Prince serait bien mort d'une overdose de médicaments. C'est en tout cas ce qu'annonce un quotidien de Minneapolis. Des antidouleurs à base de dérivés d'opium, pas de confirmation officielle. Une bonne et une mauvaise nouvelle pour les fans d'Homeland. D'abord, la mauvaise, la saison 6, dont le tournage débutera cet été, sera visible un petit peu plus tard que prévu, seulement en début d'année prochaine. La bonne, c'est que des discussions sont en cours pour prolonger la série avec une 7e et peut-être une 8e saison. Les demi-finales aujourd'hui à Roland-Garros. Côté femmes, Serena Williams face à la néerlandaise Kiki Bertens et l'espagnole Garbine Muguruza opposée à Samantha Stosur. Chez les hommes, Andy Murray contre Stan Wawrinka et Novak Djokovic face à Dominic Thiem. Laurent Blanc n'est plus très d'être l'entraîneur du PSG à la reprise le 4 juillet. Son avenir s'assombrit, à en croire les propos de Nasser El Khelaifi dans Le Parisien ce matin. Le président du club de foot de la capitale assure qu'il n'exclut pas de changer de coach dès cet été. Et à propos de foot, nous sommes aujourd'hui à une semaine de l'ouverture de l'Euro 2016. Les Bleus joueront leur dernier match amical demain contre l'Écosse à Metz, avant le coup d'envoi de l'Euro vendredi prochain à Saint-Denis contre la Roumanie. Sachez d'ailleurs que le site de mise en vente en ligne de l'UEFA rouvre aujourd'hui pour écouler les derniers billets, y compris pour les Bleus et la finale. Les 26 000 derniers tickets seront dispo à 16h cet après-midi sur le site officiel. Je vous ai mis le lien sur Twitter. Comptez 8 900 € pour la finale en loge privative le 10 juillet au Stade de France. Voilà pour l'actu. Tout de suite, c'est Virgin Tonic. Bon réveil. Bonjour à tous, je suis Wendy de Fermes-les-Bains. Nous sommes le vendredi 3 mai et je suis super contente parce que ce soir c'est enfin le week-end. Je déclare l'émission verte. Bonjour à France. Bonjour. Salut la Wendy, comment elle va? Salut, ça va et vous? On va super bien, je suis très heureux de démarrer cette journée avec toi ma chérie. Vous pouvez vous inscrire bien sûr sur Facebook, vous démarrez cette émission avec nous chaque matin. On vous rappelle au 3916, c'est le numéro pour nous joindre tout au long de la matinée. Alors moi je te dis que ça va, maintenant je vais faire un petit tour, j'ai envie de dire du propriétaire. En ce vendredi, est-ce que l'équipe est sur les rotules? Est-ce oui. que l'équipe est à fond? Bah dis pas oui. Est-ce que l'équipe est à fond? Et qu'est-ce non. que l'équipe est sur les rotules? Bah oui, tu m'écoutes ou pas? Après t'as dit, est-ce que l'équipe est à fond? À ce moment-là, j'ai dit ouais. oui. Un stylo dans la c'est gueule, bien. Direct. Ouais. Hein. Clément, fais attention. Ne vous fâchez pas. Hein fâchez. Calmez-vous. C'est vendredi. Tu t'en sors bien? Je sais qu'on va boire des bières ce soir. Sinon, on serait fâché for life. Ah, ok, je te rends ton stylo là. Ok, vas-y. Merci. Laure, comment vas-tu toi? Mais je vais très très bien. Ça y est, j'ai avec mon appart. Ouh. Ça y est, elle déménage. Hein. Voilà. Bon, elle vivait déjà avec Juju, mais je veux dire, vous prenez un nouvel appart. Voilà, parce qu'on va recevoir ses enfants une semaine sur deux. Et ça y est. Alors là, c'est. La belle-mère. La belle Dush. Attention que les enfants t'aiment bien, mais ne pas en faire trop pour ne pas prendre la place de la maman non plus. C'est ça, c'est quand même le pire rôle possible. C'est dur, hein. C'est dur, mais bon, moi je suis sympathique, donc je pense que ça va bien se passer. Et ta fille Lily l'aime bien? Tout le monde, honnêtement, tout le monde s'aime bien, donc ça risque de bien se passer. C'est beau, vrai, ouais. C'est beau là. Ouais, c'est beau. Mais famille nombreuse, quoi, je vais demander la carte. Seven Adam, when I see these happy faces running out. Vous vous rappelez pas avec le révérend Camden? C'est à la maison. C'est là où on a découvert d'ailleurs Madame Timberlake, très très belle. Jessica ah ouais, Biel. Ah oui. Elle a commencé dans cette série, j'étais fou d'amour pour elle. Tu m'étonnes. Eh bon, Justin a pris les devants. J'ai dit vas-y, poteau. Pas de soucis. Bon, Clément, il va bien? Il est content de son appart. Il a de la place pour les enfants, mais il en a pas. Il a une grande chambre, mais il dort tout seul. T'as souvent tes neveux chez toi. Exactement. Bah, je m'entraîne. Bah oui, je sais bien. Il faut bien. Ça va arriver un jour, Clément. Il paraît. Oui. Ginger est là aussi sur les réseaux sociaux, ça bien va? Bien sûr, super, magnifique, génial. Hashtag Virgin Tonic. Elle a plus le sourire qu'hier, ça a dû skyper hier soir. Si vous étiez avec nous hier, à skyper avec son mec de Toulouse, ouais. Richard Cœur de Lion. Eh ben, il n'y a pas eu de sky, je peux vous dire, on le sent. Hein. Il faut pas l'embêter, la Ginger. Quand elle a pas eu son petit Skype avec son chéri, je peux te dire qu'elle est toute chafouin, celle-ci. Bah hein. Oui, je suis triste, quoi, c'est nul. Et là, Richard, il t'a m'a parlé. Skypé. Ouais, ouais. On a skypé, ouais. Et on est sûr du prénom Richard, on peut pas changer de. Lui, ça l'embête ou pas de passer une après-midi à la préfecture et de changer de prénom? Tu voudrais l'appeler comment? Carl. Je la verrais trop avec un Carl. Genre, c'est Ginger et Carl. C'est mon deuxième prénom. Ah. Tu pourrais être ma ouais. deuxième meuf. Génial. Trop d'honneur. Pas une belle proposition, ça. C'est magnifique. Hey, Wendy, je sais parler aux femmes. Hein. Ouais, vraiment. Ouais, ouais. Ah, ouais, là, je vous dis. Moi, il y en a une un jour qui a voulu de moi, depuis, je la garde. Hein. Ouais. Celle-là, j'ai bien compris que sinon, j'aurais pas la code. Oui, Clément. Non, mais qu'est-ce qui revient à ton avis avec Ginger? Tu sais, genre, on va manger chez Ginger et. Fred. Mmh. Bon, Ginger et Fred, All. Juste. Ginger Roll. Ouais, Ginger Roll. Ouais. Canada Dry, Ginger Roll, vous connaissez pas? Ouais, si. Ginger et Kevin. Tu m'as dit quoi, Wendy? Ginger et Kevin. Ginger et Kevin, mais ouais. Ça fait plus duo musical. Ah ouais. Ouais, trop jeune, Kevin. Ginger et Kevin, ça fait un peu Ike et Tina à l'époque. Ouais. Vous savez, c'est un duo avec Tina Turner. Oui, Nico du moi, bureau. Moi, je viens avec un Lucas. Ginger et Lucas. Ah ouais. Ouais. Ou Claude. Non, vous voyez qui je la vois bien, moi, Ginger. Ah, non. Avec une Sophie. Ah. Gros potentiel, vie d'Adèle. J'en suis sûr. Ginger, on est sur un gros potentiel de vie d'Adèle. Je suis sûr que il est là ton bonheur. Ah ouais. Mais j'en suis certain. D'accord. Je te jure. Ok. J'en suis sûr. C'est génial, c'est qu'elle dit pas non, hein. Mais bien sûr qu'elle dit pas non. Mais vous croyez quoi? Vous croyez que je vois pas? C'est les yeux du vice. Depuis le premier jour, j'ai vu, elle a les yeux du vice. Je vous le dis. Tiens, bah, alors comment vas-tu, toi? On dit que d'un coup, tu passes à une toute petite personne. Pauline du Standard, alors on est venu. Eh ben, on est venu. Tous les matins, on persiste, on revient, on laisse pas rentrer. On est là, on quoi. On tape à la porte, oui. Oh là là, on va se recroiser dans 10 ans avec Pauline. Comment tu vas? Mais tu te rappelles pas Camille sur Virgin et tout? Ah oh ouais, oh là là, ça remonte à loin. Dis donc, je suis lancé dans la téléphonie depuis. Je suis à fond. Merci. Oh là là, non, on est ravis. 39-16, hein, je vous l'ai dit, pour vous inscrire pour tous les cadeaux. Et c'est la dernière fois de la semaine, là, aujourd'hui, vendredi, qu'on va encore vous offrir un iPhone 6S. Ok, la classe. Hey, c'est ça, la c'est classe vrai, de c'est énorme. On vous offre aussi vos places pour aller applaudir Adèle. T'aimes bien Adèle, Wendy? Oh, rolling in the deep. Ok. T'aimes bien Adèle, mais peut-être que tu auras deux places. Tu pourrais y aller avec Ginger en amoureuse. Ouais. Oh, Wendy et Ginger, c'est pas mal. Ou aller voir la vie d'Adèle aussi. Hey, Wendy et Ginger, ça sonne bien. Ok, bon. Ah, pourquoi pas. Hey, ouais. Un peu américaine et tout, hein. Ouais. Pauline au standard. Non, moi je la vois avec un John et Ginger. Ah ouais. Ça, c'est non, chic. On dirait une chanson de Gainsbourg, John et Ginger. Bah ouais, c'est chic. Ouais, sur une moto. Bizarre. Non mais sinon je suis avec un mec qui s'appelle Richard en fait. Je vous assure. Ginger et Richard. Ah ouais bon. Richard, ah, ça va pas, c'était hein. bien mais on peut l'appeler Richie. C'est moins bien. On peut l'appeler Richie. Ah ouais, voilà. Pourquoi on n'y a pas pensé avant? On a Richie, ça y est, on l'a. Ah bah voilà. Ou Richaud. C'est bien, ça fait un peu bagarreur. Bah oui. Non mais ça fait bagarre, ouais, Richie. Ouais, ah ouais. Tiens, tu me cherches des noises? Avec Ginger derrière qui fait vas-y mon Richie. Mets-les en deux dans le buffet là, qu'ils comprennent à qui ils ont affaire. On est en train de ranger les courses dans le coffre. Ils ont pris la Mégane. Attends, tu crois quoi? Ça y est, on a Richie et Ginger, ça y en a. Ouais, ça y est. Bon, tiens, s'ils nous écoutent, Richard de Toulouse, ouais. L'amoureux de Ginger, dorénavant pour nous, t'es Richie. C'est comme ça, je te le dis. Wendy, ma chérie, tu seras peut-être aussi notre gagnante pour le loyer. N'hésite pas à envoyer un SMS, un loyer 7-12-13. Tirage au sort dans quelques minutes à peine. D'accord? Ok. Je te fais plein de bisous, ma belle. Gros bisous. Bisous, ma chérie. Je t'embrasse très, très fort, ma Wendy. Reste avec nous. Le Virgin Tonic qui démarre. C'est parti. Zara Larsson, Lush Life. Bon réveil à tous. Hi, it's Zara Larsson on Virgin Tonic. No past, doing it all night, all summer, doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn, but I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer, gonna spend it like no other. It was a crush, but I couldn't get enough. It was a rush, but I gave it up. It was a crush. Now I might have wanna say too much, but that's all it was, so I gave it up. I live my day as if it was the last. Live my day as if it was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Now I'ma dance my heart out till the dawn, but I won't be done when morning comes. Doing it. Kept saying I'ma stay in touch, but that thing went bust, so I gave it up. Ooh, no tricks, no bluff. I'm just better off without them cups. Yeah, the sun won't set on us. Ooh, ooh, ooh. Yeah. C'est vendredi, aujourd'hui le 3 juin, j'espère que tout va bien pour vous. L'équipe est là bien sûr, courage oui, à ceux oui. qui ouvrent les yeux, courage à ceux qui ont bossé cette nuit. Les amis, j'ai une info pour vous. Oui. Là ça va tous vous intéresser, une étude qui nous vient du site 7 sur 7. C'est une analyse des relations amoureuses entre collègues. Et sachez que 71% des travailleurs avouent avoir parfois des conversations coquines à la pause déjeuner. Oh. Ah ouais. Ça fait 7 salariés sur 10 avouent que pendant le déjeuner, bah, ils appellent une amie, leur femme ou quoi, leur petite copine, pour avoir des conversations coquines. C'est dingue, non? Bah, nous, on a des conversations coquines, mais entre nous, ouais, genre voilà. à la cantine. On n'appelle ouais. personne, on parle entre ouais. nous. On dit, ah, il y a ouais. ça, il y a lui qui a fait ça, apparemment. Ah, bah oui, je suis bête, pas que par téléphone oui. d'ailleurs, bah, en bah, discutant. Oui. C'est ouais, un oui. info, à mon avis, même l'info. C'est, nous, on en a. On fait partie, enfin moi j'en ai. Bah nous, l'équipe, bah oui, les garçons, ouais. dès qu'on est ensemble. Non, non, mais même les filles, c'est plus les filles d'ailleurs. Mm-hmm. Les filles, vous avez ça un peu, Laure? Les conversations coquines? Oui, bah, bah oui. on en a eu une il y a pas si longtemps. Oh là là, oui, mais avec Pauline pas, ça va. Avec Pauline et Ginger. Ouais. Ah ouais. Ça parlait de qui? Des photos, de photos, on va dire. Oh non, mais pourquoi elle fait ça? Bah, non, mais elle est plus loin là, dites-nous. Bon, bah non, mais on s'est demandé les unes les autres si on avait déjà envoyé des photos coquines à nos chéris. Ouais, bah. Ah, et la réponse? Bah oui. Bah oui. Pour toutes? Non. Non. Non. Je suis sûr que non, Pauline, elle l'a pas fait. Pas Pauline. Pauline, non. Tu l'as pas fait? Jamais de la vie, je laisse aucune trace, moi. Moi, je disparais, je suis comme Dexter. Avant de faire l'amour, je mets une bâche en plastique. Je refais tout, aucun moyen de trouver mon ADN, Clément. En revanche, pour ce qui est de Ginger et Laure, on va vous les poster sur le. Ça, ouais. Non, non. Mais nous, on a essayé avec Clément, mais le format est trop lourd, apparemment, ouais. ça passe pas. Elle sait faire, ne désire pas qu'on envoie nos photos. Kungs, The This Girl, voilà ce qu'on écoute tout de suite. Bienvenue dans le Virgin Tonic. Salut, c'est Kungs dans Virgin Tonic. Different love, there's no shame, but I got to love.

électro. Tous les matins à 6h20, Camille Combal paye votre loyer dans Virgin Tonic. Oh, je suis pas seul à le payer le loyer. Il y a toute l'équipe bien sûr qui est avec moi. Oui. Et bien sûr, on se lit tous hein, pour vous payer votre loyer. C'est 4 fois par matinée. Dernière journée de la semaine pour le gagner ce loyer. Loyer au 7 12 13 par SMS. Dès que vous m'envoyez un texto, vous êtes inscrit pour le tirage suivant. 6h20 tout de suite, 7h20, 8h20 et 9h20. La musique retentit, c'est sa musique de tirage au sort. L'inscription est close. Le tirage au sort a lieu maintenant. On appelle, c'est parti, bonne chance à tous. Hier encore, 3 500 € de loyer. Ouais. Hier encore, j'avais 20 ans. Voilà. Je vais l'enlever de la bouche. Allez, l'affaire. Oui, allô? Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, qui est là? C'est Fadois. Fadois? Oui. Ma chérie, comment vas-tu? Ça va très bien, et toi? Mais très bien. T'habites quel coin, Fadois? Dans le Val d'Oise, Goussainville. Oh là là, il y a de la pluie en ce moment. Oui, oui, oui. Ah là là, toutes les régions un peu limitrophes de Paris et Paris, mais là, la Seine qui déborde, ça, c'est très... la pluie. Eh ouais, je sais bien, c'est compliqué. Hein. Courage à vous tous, Clément. Ça marche avec n'importe quelle ville, tu sais, t'habites où? À Bourges. Ah, il y a de la pluie en ce moment. Eh ben non. Non, la Bretagne. Ouais. En Bretagne, il pleut moins qu'ailleurs. C'est vrai. Alors, bim les clichés, qu'est-ce que t'as à dire à ça? Bah, qu'ils ont de l'avance. Rien du tout. Ils ont de l'avance. Attention. Oui. Fadois, ma chérie. Quelle est la seule radio qui paye ton loyer, même sous la pluie, même en ces giboulées du mois de mars? Virgin Radio. Eh bien, ouais. Fadois, c'est gagné pour toi, ma chérie. Tu fais quoi dans la vie? Je suis chargée des ressources humaines. Dans une grande société? Non, dans une petite administration. D'accord, donc c'est toi qui décides les gens qu'on embauche ou pas? Pas forcément, mais... Oui, on va dire oui. Alors, s'il y a plein de gens qui nous écoutent, peut-être qui vont postuler pour un nouveau travail, je pense à Pauline notamment. J'en ai marre, mais tu sais qu'en plus, tu rigoles, mais à chaque fois, mon père, à la fin de l'émission, il m'envoie un message, il me dit bon, vous en êtes où avec Camille, tu vois. Il est hyper peur. Chérie, de toi à moi. Quels sont, quand on nous demande, vous savez, aux entretiens d'embauche, c'est un petit piège, donnez-nous trois défauts. Quels sont les bons défauts à donner pour marquer des points devant un DRH? Oh, il faut mettre en avant son dynamisme, son exigence et son assiduité. Et un peu d'humour. Bah non. Ça aussi, ça peut marcher. Moi, j'ai été engagé une fois comme ça où je suis arrivé dans le bureau et j'ai dit, vous êtes la DRU? Elle m'a dit, je suis la directrice des ressources humaines. Elle m'a dit, c'est une blague? J'ai dit oui. Elle m'a dit, alors vous êtes très drôle, je vous prends. C'est drôle. Je te jure que ça a marché. Ça peut marcher, l'humour, oui. Mais ça marche qu'à Virgin Radio, hein, je crois. À mon avis, ce sera plus dur ailleurs. Ma petite Fadois, je suis ravie. T'as un loyer de combien, toi? 700 €. 700 €, et ben on va te faire le chèque, t'es notre première gagnante de la matinée. Il reste 3 tirages au sort pour ce vendredi. Je te fais des bisous, ma Fadois. Merci, gros bisous à tout le monde. Ma Fadois, ça fait presque ma Falda. Oh. J'adore les mots. Fadois, je t'embrasse très fort, ma chérie. Passe une très très belle journée. Merci de nous être fidèles le matin, comme vous tous. Prochain tirage au sort, c'est dans une heure. Et tout de suite, Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Bon réveil à vous. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, lock the way we rock it. So don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good creeping up on you. So just dance, dance. merci d'être là, fidèle au poste sur Virgin Radio tous les matins, 6h-9h30. Et au nom de toute l'équipe, je voudrais qu'on remercie une de nos auditrices fidèles, Gaëlle. Gaëlle, qui est dentiste en région parisienne. Alors, elle est venue hier, elle nous a couvert de cadeaux. Et du coup, elle en était tellement heureuse, elle est revenue ce matin. et on est très, très, très heureux. Alors, je sais pas comment il faut le prendre. Prends un micro, ma chérie Gaëlle, qui est là avec nous dans le studio. Elle vient très tôt parce qu'après, elle ouvre son cabinet quand même. Il y a un moment donné, il faut mettre un peu à gauche, là, avec cette crise des surprises. Ouais. Alors, déjà, premier cadeau du bain de bouche. Je sais pas comment on doit le prendre. Nico Richaud. Il faut expliquer, et Magaël, il faut expliquer que tu es vraiment dentiste, c'est pas une blague. Oui, c'est la vérité. Non, parce que nous, on a halluciné. Dès qu'il y a quelqu'un un peu genre notaire ou quoi qui nous écoute, on est hyper fiers, quoi. Il n'y a pas de raison pour ça. Mais non, mais parle bien dans le micro, ma chérie. Oui, Clément. Pardon, Laure, qui êtes-vous? Elle m'a quand même fait la meilleure vanne. Elle m'a offert donc une brosse à dents électrique. Elle m'a dit si tu l'as déjà, tu pourras toujours la revendre sur le bon coin. Enfin, c'était une vanne jusqu'à ce que Laure crée vraiment le. Elle nous a aussi offert des brosses à dents électriques. Ouais. On doit être clairement l'équipe qui pue le plus de la gueule. On a que des cadeaux de voilà. Mais alors, elle m'a fait le plus beau cadeau. J'ai mis une photo hier et je suis tellement content. On m'a jamais fait un aussi beau cadeau. Elle m'a offert quand même pour 11,5 kg de Mr Freeze au Coca. Oh, ouais. Que au Coca. Ouais. Ah, mais c'est magnifique. Ah ouais. Mais t'as trouvé ça où t'es une amie de monsieur Madame Freeze? C'est ça. Non, c'est incroyable. Non, c'est, t'es allé chez un grossiste? Exactement, ouais. Oh là. Les avantages d'être pro, quoi. Oh là là là là. Quelle belle dent dans l'équipe, tiens, Gaël. Regarde un petit peu l'équipe, là, il y a tout le monde. Il y a Nico du bureau, il y a Laure, il y a Clément, il y a Ginger, il y a Pauline, il y a moi. Tous, il n'y a rien qui me choque, moi. J'ai jamais eu de carie. C'est bien. Ah ouais? De ma vie, jamais de carie. Eh ouais, on mange des bons becs, on se lave les dents. Voilà, exactement. Et alors, Gaël, il y a plein de gens qui nous écoutent qui sont passionnés de dentition. Ouais, sache-le. Pas forcément. On est un métier de mal aimé, tu sais. Pas du tout. Oh, bah. si. On est l'émission numéro 1 soutenue par l'Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire. Mais on devrait te prendre comme égérie, hein, franchement. Ouais, non, bah non, mais t'as vu, j'ai pas les dents. Non, l'égérie du pont de Millau, à la limite. mais j'ai beaucoup trop d'écart entre les dents. Mais ma chérie, il paraît, alors là, tu viens de me donner une info, c'est plus 3 minutes le lavage officiel de dents, c'est 2 minutes. Oui, c'est 2 à 3 minutes. 3 minutes, c'est pas mal hein, de faire 3 minutes. Plus tu fais, plus c'est propre, mieux c'est quoi. Moi, je fais 16 minutes, c'est trop. À un moment, les dents peuvent s'user aussi. Elles peuvent tomber à un moment donné. Non, mais maintenant, on peut dire aux enfants, 2 minutes, c'est suffisant. Bah, déjà, les enfants, c'est pas tout à fait comme les adultes. Chaque âge, sa méthode de brossage et le temps est différent aussi. Donc c'est pas lié. Oui, Nico du bureau. Et moi, elle m'a offert un petit dentifrice pour ma petite fille aussi, à la fraise. Mais du coup, je pense que je vais le prendre pour moi aussi. Ah, j'adore. Est-ce que c'est bien sympa? Eh ben non, pas pour toi, parce qu'il n'est pas assez dosé en fluor. Ah voilà. Boum, alors, voilà. On pensait pas au fluor du bureau, là. Hein. Gaëlle, ma chérie. Ah oui, Pauline, au standard. Moi, tu vois, je l'adore, Gaëlle, mais j'ai une angoisse. C'est un dentiste, quoi. Voilà. Et ça un métier de mal aimé à peu près autant que les proctologues. Mais en plus t'as raison, Magaël. Mais c'est un petit peu normal, c'est que c'est vrai que quand on va chez le dentiste. Ah, arrête. Moi j'adore ce bruit. J'adore ce bruit. Bah moi j'ai grandi avec. Hein. c'est ce qui te payait tes vélos, quoi. C'est-à-dire t'étais dans la salle d'attente en train d'entendre que ton père termine et genre un scooter. Voilà, faut tout refaire, Madame Goubert. Oh là là, ça sent les vacances à Jean Lépin. Toi, c'est un signe de bonheur, bah, pour toi. Bah évidemment. Et ma chérie, j'ai une vraie question. Magaël. Vas-y, je t'écoute. Pourquoi est-ce que quand vous nous mettez les trucs pour nous ouvrir les dents et que vous mettez le tuyau, c'est normal pourquoi pour aspirer la salive? Pourquoi vous posez des questions à ce moment-là? Parce que c'est plus drôle. Mais non, c'est un moment extrême où on ne peut pas parler. Pourquoi vous voulez engager une conversation à ce moment-là? Pour tuer le silence. Mais c'est pas possible. Ouais. Oui, Clément. Et quand t'arraches une mauvaise dent, tu dis quoi en fait? Parce que souvent, il y a des gens qui disent, ça arrive moins maintenant, mais à l'époque, qui se faisaient arracher la mauvaise dent. Tu t'expliques ça comment? C'est une erreur. J'ai pas encore eu le cas. Touchant du bois. Mais que ça arrive vraiment d'arracher une mauvaise dent. Hyper souvent, apparemment. Pas hyper souvent, mais ça arrive. Je pense pas, mais ça a dû arriver, hein, comme des gens qui se sont fait opérer d'une mauvaise jambe ou d'un mauvais bras. Ouais, alors qu'ils allaient chez le dentiste à la base. Magaël, merci encore pour les cadeaux magnifiques que tu nous as fait. Vraiment, c'est très très gentil. Mais de rien, mais t'as vu, je t'offre les Mr Freeze sucrés et la brosse à dents pour compenser. Et le bain de bouche pour faire des bisous. Les amis, restez avec nous sur Virgin Radio. Vous êtes tous les bienvenus si vous voulez venir nous voir un matin dans les studios. The Fray, You Found Me, voilà ce qui va arriver dans un instant pour le pop rock électro. Encore un très très bon réveil. C'est parti, c'est vendredi, on est là jusqu'à 9h30 à vos côtés. info partout en France est avec Tristan Sarah. Salut Tristounet. Salut Camille, bonjour à tous. Une douzaine de départements maintenus en alerte aux inondations ce vendredi en région centre et en Île-de-France. Des averses sur le nord, des orages sur le nord-est et des éclaircies sur la moitié sud avant de la grêle demain dans le sud-est. 19 degrés en moyenne pour cet après-midi. La région parisienne qui est donc toujours fortement touchée par la montée des eaux. La Seine déborde et le niveau pourrait atteindre les 6 mètres dans la journée. Conséquence des routes fermées mais aussi une partie de la ligne du RER C, une mise à l'abri des réserves du musée du Louvre et un plan de protection déclenché au musée d'Orsay. La Bibliothèque nationale de France sera également fermée au public ce vendredi. Hier, un cavalier de 74 ans est décédé en Seine-et-Marne en alerte rouge et où plus de 7600 personnes ont dû être évacuées. L'état de catastrophe naturelle sera reconnu dès mercredi prochain. Manuel Valls se rendra cet après-midi dans le département de l'Essonne, également sinistré notamment à Longjumeau, dont le centre-ville est entièrement sous les eaux. Encore des perturbations à attendre aujourd'hui sur le réseau SNCF. La grève des cheminots a été reconduite en ce vendredi avec un trafic qui devrait être le même sensiblement que ces derniers jours. Un TER sur 2 et 6 TGV sur 10. Grève également à Aéroport de Paris, mais sans perturbations annoncées. Le coup de chaud des forces de l'ordre hier à Rennes. Intervention musclée des policiers lorsque des opposants à la loi travail ont tenté de bloquer la rocade. Véhicule lancé à toute vitesse, gaz lacrymogène à la volée et pluie de coups de matraque. Les journalistes n'ont pas été épargnés. La maire de Rennes réclame une enquête. Les policiers qui sont aussi intervenus hier matin à Saint-Malo pour ouvrir la grille d'un collège cadenassé après l'annonce de la fermeture prochaine de l'établissement. Il y a eu des bousculades et 11 jeunes ont été blessés et pris en charge par les pompiers. Le maire de Saint-Malo demande des justifications de l'intervention des policiers. Le syndicat SNES-FSU se dit choqué. France-Écosse demain soir à Metz. Dernier match amical des Bleus avant le coup d'envoi de l'Euro 2016. Ce sera vendredi prochain à Saint-Denis. Sachez d'ailleurs que les 26 000 billets disponibles pour l'Euro seront mis en vente à 16h cet après-midi sur le site officiel euro2016.fr. Par ailleurs, l'avenir de Laurent Blanc n'est plus très sûr au PSG. Le président Nasser El Khelaïfi n'exclut pas un changement dès cet été. Les demi-finales aujourd'hui à Roland-Garros. Djokovic face à Thiem et Murray Wawrinka côté homme. Chez les filles, Williams-Bertens et Muguruza Stoser. La finale demain pour les femmes et pour les hommes, ce sera dimanche. Voilà pour l'actu. Bon réveil. Belle matinée à vous tous, vendredi 3 juin aujourd'hui. Courage à ceux qui ouvrent les yeux le vendredi, je le sais, c'est pas simple. Il y a la fatigue de la semaine, on est là en tout cas pour vous donner beaucoup beaucoup de courage jusqu'à 9h30 avec toute l'équipe bien sûr. Oui, oui. Je suis content, on va refaire un jeu qu'on n'a pas fait depuis longtemps. Okay. Alors il nous faudrait un ado, mm-hmm. un ado, voilà, 13-15 ans à peu près, et un adulte. Cool. Okay. Un adulte, très adulte si possible, comme ça on va faire la guerre ado-adulte. Qui connaît mieux la génération de l'autre. D'accord. Ok. Ouais. Et l'un des deux repartira avec un très très beau cadeau, à savoir un cadeau magnifique, à savoir un cadeau de dingue, à savoir, je l'ai trouvé, un séjour en Europe pour 4 personnes grâce à Brittany Ferries. Vous imaginez, ouais. Prenez 3 de vos potes, votre petite famille, vous partez une semaine tout frais payé et en plus, on rajoute un smartphone. Cool. Ça c'est sympa. Oh là là là là, générosité, ouais. Plaisir d'offrir, joie de recevoir dans le Virgin Tonic. The Fray, You Found Me, remets un petit coup, ça c'est génial. Ah ouais, c'est Grey's Anatomy ça. Ouais. On va l'écouter dans quelques secondes. J'adore. Forcément une scène où ils s'embrassent. C'est la demande en mariage, les bougies, tout ça. Oh là là. J'adore, vraiment, j'ai envie de l'écouter tout de suite, mais quand même avant, il a bossé le petit haut. Attends, le petit réponse à tout de l'incruste. Tonique. Réponse à tout. Et alors, il s'est penché sur quoi aujourd'hui celui-là? La politique, j'ai demandé aux enfants s'ils savaient à quoi servait un homme politique. Est-ce que tu sais ce que c'est un homme politique? Et il s'occupe de l'argent, du pays, de la ville. Bah, un homme politique, c'est quelqu'un qui va établir des lois. Il va inventer une loi, par exemple, des voitures, elles n'ont pas le droit de rouler sur tel endroit, et après, voilà. Et tu connais des hommes politiques ou pas? Oui. Il y a François Hollande, il y a, comment il s'appelle? Jean-Luc Mélenchon. Après, il y a... Non, il n'y a pas Napoléon. Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen. Il y a Anne Hidalgo. Bah, moi, c'est comme elle. C'est un homme qui va établir des lois, qui va décider des grandes choses. Voilà. Bah, le matin, il se lève, il mate sa secrétaire. Après, il prépare son discours. Le discours qu'il va faire, qui sert à rien. Et puis, après, il se demande comment il va prendre la place de l'autre. Ça, c'est la journée type d'un homme politique. Type. Le réponse à tout. Type. Merci les enfants. Prochaine réponse à tout, c'est dans une heure exactement sur Virgin Radio. The Fray, pour tous les fans de Grey's Anatomy et tous les mecs qui sont obligés de faire semblant d'aimer pour pas que leurs femmes les engueulent et qu'ils aient le droit de regarder la finale de la Champions League 3 jours après. C'est parti, c'est sur Virgin Radio. Excellent rêve. On the corner of First and Amistad, where the West was all but one, all alone, smoking his last cigarette. I said, where you been? He said, ask anything. Where were you when everything was falling apart? Avec vous. Vendredi aujourd'hui, le 3 juin, Laure est ici. Salut. Clément aussi. Présent. Ma popo du standard. Au piqué. Ben oui, toujours au fond du studio, bien sûr. Les amis, on va jouer avec vous. Hein. C'est, vous appelez, vous tombez directement sur Pauline. C'est au 3916 que vous pouvez nous joindre. Bien sûr, chaque matin, vous inscrire pour tous les jeux. Et là, grosse concurrence. Un ado face à un adulte, celui qui connaît mieux la génération de l'autre repartira avec un séjour d'une semaine où il veut en Europe. Très beau cadeau. Génial. Et on ajoute en plus un smartphone, les copains. C'est parti, jingle. Ado contre adulte, le adulte game. Ado contre adulte, vous qui nous écoutez, bon courage hein, si vous ouvrez les yeux, si vous êtes déjà dans les transports en voiture. On va accueillir Juliette. Salut Juju. Bonjour Camille, bonjour tout le monde. Salut ma belle, t'as quel âge Juliette? J'ai 16 ans. 16 ans, c'est le bel âge, ça profite hein. D'accord. Ouais. Ok, merci. Phrase de vieux con. Tu me prends déjà de haut, Juliette. Hein, t'es en quelle classe? Non. Je suis en première L. Première L. Tu passes le bac de quoi cette année? Ben, en plus, c'est super important pour toi de français. Ouais, c'est diabolo. De français et de sciences pour moi. Et de diabolo quand tu fais un bac L. Évidemment. Christian est avec nous. Il est là aussi. Salut Christian. Bonjour Christian, bonjour les amis. Salut, salut. Comment tu vas, Kikri? C'était une blague, bonjour Camille. Mon Christian, t'as quel âge? J'ai 47 ans. 47 ans, et alors tu passes un bac quoi toi là? Un bac, tu savais? Oui, j'ai bien compris. Tu fais quoi? Bientôt retraite. Ben, je sais, tu fais quoi dans la vie, mon Christian? Avec toute cette activité, je travaille à la SNCF. Très bien. Oh, bah, t'as du temps, alors on va te garder un petit peu. Oh, les ans. Bah, ils font pas tous grève, hein. On plaisante, ça va. Non, mais en ce moment, il y a des mouvements de grève. Et alors, moi, je prends. Voilà, il y a des raisons. Et après, ça bloque d'autres gens. Voilà, il faut s'arranger. Il faut que tout le monde trouve un terrain d'entente. C'est comme nous dans l'équipe. Hein. Parfois, il y a des préavis de travail déposés par Clément. Exactement. C'est la vanne, j'en ferai plus une. Bah, t'es une bonne idée, t'es un jeu valide. C'était une vanne? Non, c'est pas une vanne. Rejoignez mon mouvement. Christian, mon bichon, on va commencer par toi. Le principe du jeu, il est très simple. Christian, je vais te poser des questions qui concernent la génération ado sur des choses qu'ils connaissent forcément. Et toi, après Juliette, je te poserai des questions qui concernent plus la génération de Christian, 47 ans. D'accord, Juliette? Ok, ça marche. Je te mets dans un petit coin, ne bouge pas, on reste avec Cricri. J'ai trois questions pour toi, mon Cricri. Celui qui aura le plus de bonnes réponses repartira avec un séjour d'une semaine. Christian, qui chante ça? Alors ça cartonne sur les ados. Et alors si t'es un fidèle de l'émission, on le joue aussi très souvent. Ça a même été notre invité il y a quelques jours. Qui chante ça, Christian? Ah oui, c'est vrai que je vous écoute tous les jours. Mais le nom Tu l'auras pas? Non, là j'ai pas le nom sur le boudin. Hey, la femme de Tarzan, c'est qui? Jane. Eh ben oui, c'est Jane. C'était Jane. Je peux pas le valider. Pas de points sur celle-ci, sur cette première question. Attention, deuxième question. Christian, qui est Drake? Qui est Drake? Drake. Drake. Drake. C'est qui? On triche pas, Christian, on va pas sur le Minitel. Attends. Non, non. C'est dans une série télé, c'est... Lance-toi. Drake. Je sais pas, moi... le cousin de Tarzan. Eh non. Et non, c'est un rappeur américain, Drake. Ah bah voilà. J'adore. Tellement bien ce petit morceau. C'est ce qu'il chante là, Christian. C'est un tintamar de jeune, ça. C'est ce tintamar, là. Christian, pour l'instant, on n'y est pas. Je vais te faire écouter un dernier morceau. À toi de me reconnaître l'artiste. Troisième question. Qui chante ça? Carton absolu dans le monde entier. Sur les ados aussi, bien sûr. C'est le tube numéro 1 en ce moment. Christian, d'après toi? Vous m'avez pas beaucoup aidé là sur ce coup-là. Non, mais on peut pas t'aider, on peut pas t'aider parce qu'il y a Juliette en face. Peut-être qu'elle va. Ouais. On peut pas la faire perdre non plus. La sœur de Nicky. Larson. Oh, il a fait une référence. Il a été bon, Clément. Ouais. Il t'a un peu aidé, on aidera un peu Juliette. C'est Zara Larson, l'interprète. Ah, dès que tu fais Nicky Larson, là, il y a les repères, hein, pour Christian. Hein. Eh oui. Bon, Cricri, tu bouges pas. Une bonne réponse sur trois. On va voir si Juliette peut faire mieux. On retrouve Juliette, 16 ans, première L. Tu es de retour, Juliette? Et bonjour. Et rebonjour. Juliette, pareil pour toi. C'est la guerre ado-adulte pour un séjour d'une semaine. Trois questions qui concernent un peu plus la génération de Christian. Qui chante ça? Femme des années 80, mais femme jusqu'au bout des seins, ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme. Qui chante ça, Juliette? C'est Sardou, non? Christian, est-ce que c'est Sardou? Ouais, c'est ça. Ah, ben, ouais. Il est dégoûté, c'est bien ça. Dimich-mich, bien sûr. Juliette, oui. C'est quoi un callback? Un callback? Callback. Très vite, on triche pas. Je sais pas du tout. C'est quoi, Christian, un callback? Je te prends par le callback. Je te prends par le revers d'une veste. Eh ouais, le callback, c'est le call, quoi. Ouais. Tu vois, t'es bien, Christian. Attends, je remets mon callback. Et voilà. Attention, on y va. Dernière chance, ma chérie. Si tu réponds bien, le séjour est pour toi, Juliette. Qui chante ça? D'accord. C'est dur. C'est dur. Juliette, tu trouves ça? C'est fort. Genre là, j'en sais rien du tout. T'en sais rien du tout. C'est en 4 lettres, on a droit à un indice. C'est en 4 lettres. 4 lettres, 4 lettres. ABCD. ABCD, le célèbre groupe ABCD, bien sûr. Eh bien non, ma Juju, non, ma Juju, c'était In Excess de chanter ça. Oh, c'est impossible à trouver. C'est très dur. Ah. Les amis, c'est un beau cadeau à la clé. Et on n'est pas là non plus pour faire des jeux trop faciles. C'est vrai. Attention, Christian, Juliette, tout va se départager sur une question de rapidité. Je vais vous faire écouter un morceau. Le premier des deux qui pense avoir retrouvé l'interprète crie son nom, j'arrête, vous donnez la bonne réponse, le séjour est pour vous, la mauvaise c'est perdu. D'accord Christian, d'accord Juliette ? Très bien, on y va. On y va, c'est parti ! Qui a chanté ça en 2003 ? Christian. Diams. C'est une bonne réponse, Christian. Diams, c'est gagné. Ouais. Ouais. Et je pensais que Juliette partirait favorite avec Diams quand même, c'était en 2003. Pas du tout. Eh ouais, même. Gros doute. Ma Juliette, je suis désolé. Alors c'est perdu, on va quand même te couvrir de cadeaux, ma belle. Je te promets, on va te mettre au standard. T'auras le Teddy de l'émission, t'auras plein de choses. Christian, bravo à toi, c'est gagné. Brittany Ferris, tu pars où tu vas en Europe. Voilà, ça nous fait très plaisir avec trois de tes potes. Et un smartphone Wiko Fever pour prendre des photos de tes vacances. Deuxième marque de mobile la plus vendue en France. D'accord, photo? Allez, je vous remercie beaucoup les amis, vous êtes formidables. Hey Cricri, tu reviens de loin toi. Hein oui. Oh oui. Voilà mon pote. Oui, je t'embrasse, félicitations, encore bravo à Juliette aussi. Tout de suite, c'est Mom Aloha sur Virgin, bon réveil. One Pilot qui arrive dans un instant sur Virgin Radio pour le pop rock électro. C'est vendredi aujourd'hui, je vous souhaite beaucoup de courage et je vous paye un loyer aussi à 7h20. Ne bougez pas. But lance sa nouvelle collection. Venez vite la découvrir et en ce moment, profitez des nouveautés à prix de lancement. But, c'est nous. Produits signalés en magasin et sur but.fr. Il y a des prix qui vous font dire moi je veux que la peinture, hein, pas le peintre. Et il y a les prix Leroy Merlin. Jusqu'au 15 juin, pendant l'opération Les Promos Peintures, 29,95€ seulement le pot de 2,5 litres de peinture murale Rénov Express Ripollin avec sous-couche intégrée. Reprise des marchandises incluse, l'expertise des conseillers incluse. Chez Leroy Merlin, les prix vous font dire là, je suis sûr de faire le bon achat. Leroy Merlin, et vos envies prennent vie. Soit 11,98€ le litre. Maman, tu me racontes une histoire. Alors, il était une fois un pneu Volkswagen. C'est quoi ? C'est un pneu assuré 3 ans quand il est cassé et remboursé à 100% la première année. Mais tu lui racontes quoi, là ? Une belle histoire. Ah, oublie pas celle du pneu Michelin 16 pouces à 79€ seulement. Ah,

Excellent réveil à vous tous, vendredi le 3 juin. Aujourd'hui, on est très heureux d'être avec vous comme chaque matin, 6h, 9h30, avec Laura, avec Clément, avec bonjour. Pauline, oui. Avec la tue qui arrive dans un instant à 7h, comme tous les matins. Et juste après, enfin, on est toujours impatient de la découvrir. La question de ouf, 01 84 07 08 09. On écoutera tous les messages que vous nous avez laissés. Et la question ce matin, quelle est la meilleure façon d'annoncer à son chéri qu'on est enceinte? Le truc le plus original. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. C'est bien ça. Et ouais. On annonce à son chéri qu'on est enceinte. Et oui. Donc tu es des filles ce matin. On peut dire voilà, ma chérie m'a annoncé que c'était comme ça. Mais l'idée, il y a beaucoup c'est de filles. Plus compliqué dans l'autre sens du coup. Oui. J'étais enceinte de 4 mois. Ça fait 2 ans que ça dure. Oui, Laure. Moi j'ai mis le test de grossesse dans un petit paquet cadeau et je lui ai offert comme ça. Ah, c'est comme ça qu'il a su ? Ouais. Ah, oh, c'est hyper joli. Bah, c'est du pipi dans une boîte quand même. Oui, mais bon, enfin, tu sais, quand on est enceinte, vu on comme voit ça. L'autre mais quand côté. On est enceinte, tu sais, il voilà. y a moins de frontières là-dessus. Mais c'est vrai que dit comme ça, c'est quand même du pipi dans une boîte. C'est pas faux, Clément. Mais tu sais que les filles, enfin, j'imagine qu'elles parlent que de ça à leur soirée filles. Tu sais, genre, comment je vais faire cette surprise et tout. Ouais. Enfin, je sais pas, j'imaginais ça comme ça. En fait, je vous dis, peut-être que tous les mecs qui nous écoutent sont dans ce cas-là, là, sur Virgin Radio. On se pose quand même énormément de questions sur les soirées filles. Bah, posez-les nous. Bah, allez-y. Sur les soirées pyjama. Ouais. Bah, posez-les nous. Mais il se passe quoi dans ces soirées pyjama? Je suis sûr qu'on se fait des fantasmes, vous allez tout nous briser en disant bah non, c'est pas ça. Alors, on se met Pauline, Ginger, Laure, les trois filles de l'équipe. On vous pose toutes les questions qu'on veut. Est-ce que ça existe vraiment dans les soirées pyjama? Okay. Oh là là. Vas-y. Oui, et Nico du bureau. Ouais, juste déjà pour commencer, juste soirée pyjama, nous on a un fantasme. On se dit soirée pyjama, elles sont forcément en nuisette, elles se balancent des petits coussins les unes sur les autres. Est-ce que vous faites des guilis, des batailles de polochon en nuisette? Je vous dis, vraiment, excusez-moi, pour toutes les. C'est vraiment une idée reçue que je pense qu'on a 80% des hommes. Est-ce qu'il se passe ça dans vos soirées pyjama, Laure? Oui, mais quand on a 7 ans. Ah, voilà, c'est ça. Ouais. À votre âge plus? Non. Je suis pas du tout d'accord parce que si on a des beaux pyjamas ou nuisettes ou trucs sympas, on les met pour se les montrer et faire un peu les belles les unes devant les autres. Ah, et en plus, on n'a aucune gêne. Donc on peut se mettre toute nue, on s'en fiche. Et il y a des images de. Il n'y a pas des caméras surveillance, choses comme ça. Oui, Laure. Juste quand même, faut préciser qu'il y a quand même deux générations là. On n'est pas de la même. Ouais. Donc on va pas avoir les mêmes soirées pyjama. J'ai pas posé une autre question. Ouais, on va prendre des garçons. Tiens, vous voulez maintenant nous appeler les garçons 3916. On va créer un événement. On va briser tous les clichés. Vas-y. Tous les garçons, toutes les questions qu'on se pose sur les femmes, vous devez y répondre. Avec plaisir. Est-ce que vraiment, quand vous avez vos règles, vous êtes plus énervé? Parce que nous, c'est notre truc de garçon. Chaque fois, on parle, on quitte la pièce, on fait non, mais dehors, c'est règle de toute façon. Est-ce que c'est vraiment, ça vous rend un peu plus énervé? Je vous jure, je n'ai pas la réponse, Pauline. Tu vois un démon. Tu le vois, tu le situes. Bah, on sait comme ça qu'on se transforme. Ouais. Et on a envie de vous faire du mal en plus. Ouais. Quand vous nous demandez si vous avez grossi, en vrai, est-ce que vous attendez la vérité en vrai? Non, surtout pas. Bah, surtout pas. Tiens, on va prendre les garçons à l'antenne. Il y a Fabien qui est là. Salut Fabien. Bonjour Camille, bonjour tout le monde. Fabien, j'offre un moment exceptionnel de radio. Là, tu vas vivre un moment historique avec nous, puisque toutes les questions que tu te poses aux femmes, c'est le moment de les poser. Il n'y a pas de gêne, il n'y a rien du tourné sur Virgin Radio, on est avec vous. Les amis, vous êtes obligés de répondre les filles. Fabien, je t'écoute. Ouais, alors ça va faire un peu Elise et Moon, mais je voudrais savoir si vous arrivez à dormir sur le ventre, si vous avez une forte poitrine. Alors. Parce que moi, je suis sortie avec des filles qui avaient des petites poitrines. Ouais. Moi, j'y arrive bien, perso. Bah, je peux pas répondre. Alors, Pauline peut pas répondre, du coup. C'est une vraie. Est-ce que vous pouvez dormir sur le ventre? Oui, bien sûr qu'on peut dormir sur le ventre. Ah ouais, bon. Bah, ça évidemment. Vous fait mal un petit peu. Bah, pas du tout. Bon, confortablement. Hein. Mettez-vous d'accord, les filles. Ouais. Attention, elle a une plus grosse poitrine que moi. Bah, oui. Voilà. Pour vérifier. Clément, est-ce que vous pouvez dormir sur le mien? C'est mal. Je peux vous poser une vraie question, les filles. Ouais. Est-ce que vous préférez faire l'amour à votre chérie en pensant à quelqu'un d'autre, par exemple Bradley Cooper ou à un fantasme, ou est-ce que vous préférez faire l'amour avec Bradley Cooper en pensant à votre chérie? Ah, Bradley Cooper. Oh, quelle horreur. Bah quoi? Mais il dit ton mec. Mais j'ai pas du tout envie de coucher avec mon mec en pensant à quelqu'un d'autre. Donc tu préfères carrément aller avec quelqu'un d'autre? Tant qu'à faire. Oh là là, mais quitte à le tromper, parce que pour moi c'est déjà une tromperie d'y penser. Quitte à le tromper, autant le tromper en vrai, quoi, non? Ah ouais. Non, mais si c'est Bradley Cooper, ah oui, d'accord, bien sûr. On est que sur du Bradley Cooper. Évidemment. Ok, je te propose Bradley Logan, tu prends pas, non, on est sur de la Cooper. Bien sûr, Clément. Est-ce que c'est vrai que les filles, elles aiment pas trop les films pour adultes? Ah. Intéressant ça. Une vraie réponse ou pas? Hein? Une vraie réponse? Bah oui. Moi j'aime pas trop les films pour adultes, mais j'aime bien quand il y a deux filles ensemble, ça peut me plaire. Oh là là. Oh là là là là là. Je la sens bien cette émission. Je je la sens très très bien cette émission. Là, je vous le dis, il faut Fabien, tu restes avec nous, reste avec. Elle est très bien cette émission. Elle démarre bien, les amis. Je vous le dis, c'est vendredi aujourd'hui. Soyez les bienvenus sur Virgin Radio. Merci d'être avec nous. Vous avez déposé des questions comme ça, des idées reçues sur les femmes. Toutes les filles répondent ce matin. Restez avec nous dans le Virgin Tonic. 21 Pilots qui arrive pour le pop rock électro. On s'occupe bien de vous, bien sûr, jusqu'à 9h30. Comptez sur nous. Virgin Radio, bientôt 7h. Vous, vous avez encore rêvé de petits fours et de moments entre amis. Ne rêvez plus. Pour les amoureux de l'apéro, Passe au Traiteur a créé le World Apéro Day. C'est le 11 juin et c'est la première journée mondiale de l'apéro grâce à Passe au Traiteur. Plus d'infos sur worldapéroday.com. Et l'info à Paris et dans toute l'Île-de-France est avec Tristan Sarah. Salut Tristan. Salut, salut. Bonjour à tous. Des orages sur le nord-est aujourd'hui. Encore des averses sur les Hauts-de-France et la région parisienne. De belles éclaircies sur la moitié sud où l'on attend de la grêle dès demain. 16 degrés cet après-midi à Paris, 20 à Lyon, 21 à Marseille et 22 à Bordeaux. La région parisienne est le centre qui reste en alerte aux inondations. La Seine-et-Marne est toujours en vigilance maximale. L'alerte rouge. Un cavalier de 74 ans est décédé hier, emporté par les eaux. À Paris, les berges sont impraticables et la Seine continue de monter. Un pic proche des 6 mètres est attendu ce vendredi. Conséquence, une partie de la ligne C du RER a été fermée. Plusieurs musées, dont le Louvre, vont devoir mettre à l'abri une partie des œuvres stockées dans les réserves. Un peu plus de 19 000 foyers sont privés d'électricité encore ce matin dans le Loiret et en Île-de-France. Manuel Valls doit se rendre aujourd'hui dans l'Essonne. La grève se poursuit à la SNCF, un TER sur 2 et 6 TGV sur 10. Les cheminots maintiennent la pression avant la dernière réunion de négociation sur l'organisation du travail prévue lundi matin. C'est la grève également tout ce week-end à l'aéroport de Paris, mais sans perturbation. La maire de Rennes réclame l'ouverture d'une enquête après une charge policière contre des opposants à la loi travail hier près de la Rocade. Des policiers surexcités qui n'ont pas hésité à frapper des journalistes qui couvraient la manifestation. Le club de la presse de Rennes et de Bretagne a décidé de saisir le défenseur des droits. 4 mois de prison avec sursis pour un gérant de bar de Clermont-Ferrand. Il a été reconnu coupable d'homicide involontaire après la mort d'un client qui avait remporté un concours d'alcool dans son établissement. Sa peine a été assortie d'un an d'interdiction d'exercer son métier. Le chanteur Prince serait bien mort d'une overdose de médicaments. C'est en tout cas ce qu'annonce un quotidien de Minneapolis. Des antidouleurs à base de dérivés d'opium. Pas de confirmation officielle pour l'instant. Et puis une bonne et une mauvaise nouvelle pour les fans d'Homeland. D'abord la mauvaise. La saison 6, dont le tournage débute cet été, sera visible un petit peu plus tard que prévu, seulement en début d'année prochaine. La bonne, c'est que des discussions sont en cours pour prolonger la série avec une 7e et peut-être même une 8e saison. Les demi-finales aujourd'hui à Roland-Garros. Côté femme, Serena Williams face à la néerlandaise Kiki Bertens et l'espagnole Carmine Muguruza opposée à Samantha Stosur. Chez les hommes, Andy Murray contre Stan Wawrinka et Novak Djokovic face à Dominic Thiem. Laurent Blanc n'est plus très sûr d'être l'entraîneur du PSG à la reprise le 4 juillet. Son avenir s'assombrit, à en croire les propos de Nasser El Khelaifi dans Le Parisien ce matin. Le président du club de foot de la capitale assure qu'il n'exclut pas de gros changements et éventuellement de changer de coach dès cet été. Voilà pour l'actu. Tout de suite, c'est Virgin Tonic avec Camille Combal. Très bon réveil, les amis. Bienvenue à tous sur Virgin Radio, merci de nous être fidèles chaque matin. On est plus d'1 800 000 Français à se réveiller ensemble chaque jour. Vous n'avez même pas idée à quel point c'est un bonheur. On sent que vous êtes là plus nombreux chaque matin, au standard, sur les réseaux, mais même là, à travers le micro, on sent que vous êtes là. Ça nous fait extrêmement plaisir. C'est un bonheur de se réveiller avec vous chaque matin. Il y a Laure, il y a Salut. Clément. Salut. Il y a la popo du standard. Appelez-nous au 3916 ou passez en direct sur l'antenne. Vous repartez avec de très très beaux cadeaux. Le pop rock électro qui arrive. La question de ouf, quand vous nous faites marrer en ayant répondu à tout. Toute la question qu'on vous a posée sur notre messagerie 01 84 07 08 09. Mais je suis impatient là vraiment d'arriver, et c'est maintenant, hein, juste avant la question de ouf, à la news la plus importante du matin. Elle est exceptionnelle ce matin. J'ai appris un truc vraiment sérieusement que j'ignorais. C'est parti. La news la plus importante du matin. J'ai enfin la raison pour laquelle on n'est pas de très bonne humeur quand il fait pas beau. Pourquoi? Quand il fait pas beau, alors c'est vrai que ça nous pèse sur le moral. Ouais. Hein, au bout d'un moment, moi j'y suis pas très sensible, mais c'est vrai qu'au bout de beaucoup de jours de pluie, commence à me peser un peu. Ouais. Eh bien, sachez que des chercheurs canadiens ont apporté la réponse. Le corps produit plus de cortisol, l'hormone qui influence le niveau de stress. Quand il pleut, le cortisol, je connaissais pas, monte dans votre corps et donc votre niveau de stress augmente. En gros, notre corps produit tout seul l'état de stress. stress. Le temps, il est bien sûr pour rien. Mmh. C'est nous-mêmes qui générons cet état de stress, Clément. Et en plus de ça, le soleil, il t'envoie de la vitamine D. Ouais. Qui te fait du bien au corps. Eh oui. Quand il y a du soleil, tu vas encore mieux. C'est quoi le truc qui vous met de mauvaise humeur automatiquement, l'équipe? Tiens, mon petit Clem. Moi, c'est la défaite du FC Nantes. Dès que mon équipe perd, je suis de mauvaise humeur. C'est le truc rédhibitoire. Le FC Nantes, une défaite du FC Nantes, t'es de mauvaise humeur. Quand ils perdent, s'ils se prennent 8-0 par Paris, je m'en fiche. Mais s'ils perdent de justesse et qu'ils auraient pu, ça m'en ronchon pour tout le week-end. Ça te mine. Laure, quand Juju va faire des courses et qu'il revient avec la moitié de ce que je lui ai demandé. Je peux le chier. C'est énervant ça. Ah, c'est hyper énervant. Surtout qu'il ramène d'autres trucs que j'avais pas du tout demandé et qui servent à rien. Bon, attends, ça va rien de quoi? Les palmitos, ça sert à rien? Palmitos, d'accord, mais il achète beaucoup de trucs. Ah, il achète beaucoup de trucs, ça va. Ouais. Pauline, au standard. Quand j'arrive dans la cour en bas de chez moi, qu'il n'y a plus de place dans le range-vélo pour mon vélo, alors que j'ai rien à faire là. Attention, les problèmes de bobo, là. Attends, je te parle même pas quand je vais chez Naturalia et qu'il n'y a plus de quinoa. Je suis hors de moi, j'ai fait tomber une courgette l'autre jour de colère. Et j'ai un autre truc, c'est quand je descends les 3 étages de chez moi, j'arrive en bas et je me rends compte que j'ai oublié un truc en haut, il faut remonter tout là-haut. Ah, c'est horrible. Moi j'ai un truc qui va parler aux garçons. Allô? Quand tu démarres un truc FIFA avec ton pote, ça démarre et tout, et tu te rends compte que t'as pas changé tes touches à toi et que tu joues avec les touches d'un autre. Ouais, ça parle qu'à Clément à l'heure actuelle. Il faut connaître FIFA, tout ça, les filles, faut être un petit peu moderne. Vous voulez pas nous expliquer? Vous voulez pas qu'on joue avec vous? Moi j'ai essayé de jouer avec vous. Vous m'avez éjecté. On t'a éjecté, on va pas t'apprendre. Tu sais même pas le hors-jeu, on va pas t'apprendre FIFA, ma chérie. Oui, Pauline. Clément, il m'a fait croire pendant 2 jours qu'il m'avait payé des jeux sur la PlayStation et je jouais à des démos. C'est dégueulasse. En fait, elle m'a dit, je peux jouer et tout. Elle me dit, mais il y a plein d'autres jeux que FIFA en fait, ce qui est vrai. Et je lui dis, mais tu sais que ça m'a coûté 300€ pendant un mois. Et elle jouait et j'étais là, t'inquiète, là, tu donne-moi 100 et ça ira, tu vois. J'étais comme ça et elle était persuadée. Et après, je lui ai dit que c'était pas vrai. J'ai tourné en rond. Quand elle jouait, je notais, je lui disais, c'est. Donc t'as pas pris les 100€? Bah non, évidemment non. Mais j'ai tourné en rond avec une pieuvre pendant 2 heures. Elle a payé l'or du coup, hein. C'est l'or qui a fait l'avance, t'inquiète pas. Restez avec nous sur Virgin Radio tout de suite, question de ouf. La question de ouf. Et ce matin, on vous a demandé quelle était la meilleure façon d'annoncer que vous étiez enceinte. Alors moi, j'ai annoncé à mon copain que j'étais enceinte en lui disant que je l'aimais forcément plus que lui parce que j'avais 2 cœurs qui battaient en moi. J'ai acheté des œufs de cigogne au chocolat et je lui ai offert avec un mot qui disait « livraison prévue le... » Moi, j'ai dessiné une barre de téléchargement sur mon ventre et j'ai écrit en dessous « Baby is loading ». J'ai ramené une bouteille de vin avec écrit sur l'étiquette « Château Papy Mamie Grand Cru août 2016 ». Moi, je lui ai dit « Chérie, pendant 9 mois, tu as le droit de prendre du poids comme moi ». Moi, mes parents, j'ai mis l'échographie dans le programme TV en disant à ma mère « Regarde, tu vas encore pleurer devant un film ». Alors moi, je suis arrivée avec un paquet de savane de papy brossard et un paquet de café grand-mère. Un peu surpris par l'apéro, mais ils ont vite compris. En fait, chérie, je t'ai menti à propos de mon ventre. La bière n'y est pour rien. Coucou, alors moi, c'est Angélique, de Morsan-sur-Ange dans 91. Donc pour moi, la meilleure façon d'annoncer, c'est de répondre à la question de ouf, c'est-à-dire mon cœur, tu vas être papa pour la 2e fois. Bisous, je t'aime. Question de ouf. Merci d'être là les copains, merci de jouer le jeu chaque matin. Tout de suite un peu de pop rock électro, on se réveille tous ensemble. Bon réveil, c'est le Virgin Tonic. Hey, this is 21 Pilots on Virgin Tonic. Virgin Tonic. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice to sing some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed. When the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. We're stressed out. Sometimes a certain smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose, same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. My name's Blurry Face and I care what you think.

Alain Flelou, ça y est, c'est parti l'été fou? Oui. Chin Chin cet été, ce n'est pas une, mais deux lunettes de plus pour 1 euro de plus? Oui. Et la troisième paire? Pour vous ou pour qui vous voulez? C'est fou! C'est fou, c'est Flelou. Chin Chin jusqu'au 31 juillet, c'est deux lunettes de plus pour 1 euro de plus. Voir conditions en magasin, dispositif médical CE, demandez conseil à votre opticien. Tentez de gagner des places pour l'Euro 2016 en retirant de l'argent dans les distributeurs Crédit Agricole. Oh, c'est marrant ça! Tu retires des euros pour aller à l'Euro? Oui, ou des billets pour gagner des billets. En fait, tu vas retirer pour voir les joueurs tirer. Ouh là là là là. Retirez de l'argent dans les distributeurs Crédit Agricole et vérifiez sur votre ticket de retrait si vous avez gagné des places pour un match de l'UEFA Euro 2016 ou l'un des milliers de cadeaux. Crédit Agricole, partenaire de l'Euro 2016. Je réservé aux personnes majeures, voire règlement complet, conditions et distributeurs participants sur onatousuncotefoot.fr. Paye votre loyer sur Virgin Radio. La météo, Virgin Radio. Une douzaine de départements toujours en alerte aux inondations ce vendredi, en région centre évidemment, maintenu en vigilance orange, et puis la Seine-et-Marne autour de Paris toujours en alerte rouge. Dans l'ensemble, le temps sera assez calme aujourd'hui, des averses sur l'Île-de-France, les Hauts-de-France et le Nord-Est, mais des éclaircies sur toute la moitié sud. Vous aurez 13 degrés cet après-midi à Dieppe et à Deauville, 14 à Lille, 16 degrés à Paris sous la pluie, 18 à Brest, 19 à Chambéry, 21 à Lyon et à Marseille, maxi 26 pour Montpellier. Et de nombreux orages tout ce week-end. Bon réveil. Match au 73-200. Nos experts vous disent si vous êtes vraiment compatible. Match M-A-T-C-H au 73-200. 65 centimes plus prix d'un SMS tel qu'au passe. Cet été, le meilleur de la scène électronique mondiale est au festival Les Plages Électroniques avec Virgin Radio du 4 au 6 août. À Cannes, Deep House, Trap, Techno, Electro, Best Music. Les pieds dans le sable. Let's go! Avec DJ Snake. Hey, c'est DJ Snake sur Virgin Radio. Nina Kravitz. Chami. Birdie Nam Nam et bien d'autres sur la plus belle plage de la Croisette et le rooftop du Paris Festival. Toutes les infos sur plage-électronique.com et virginradio.fr. Les plages électroniques, les 4, 5 et 6 août à Cannes. Un festival Virgin Radio. Le temps qui passe, le poids du quotidien, la peur des habitudes. Votre couple est-il assez fort? Moitié au 73202. Nos experts vous diront si votre couple est fait pour durer. Moitié, M-O-I-T-I-E, au 73202. Un an, trois ans, toute votre vie. Envoyez moitié au 73202. 65 centimes plus prix d'un SMS tel qu'au passe. Virgin Radio. Virgin Radio. Radio 100% Rock. L'une des nombreuses web radios à retrouver sur l'appli et sur virginradio.fr. Tous les matins à 7h20, Camille Combal paye votre loyer dans Virgin Tonic. Excellent réveil à vous tous les amis, bienvenue sur Virgin Radio. On est là tous ensemble le matin, bien sûr en direct, 6h-9h30, avec toute l'équipe qui est là. Oui, bien sûr qu'elle est là, elle est moelleuse, oui, en plus l'équipe ce matin, elle vous paye un loyer, ça c'est moelleux hein. Ça c'est très moelleux. Je vous engage à faire le tour des radios. Allez-y, madame Merkel. Faites le tour des radios. Trouvez un jeu aussi moelleux que celui-là. Toutes les heures, un an de loyer. Un mois de loyer. Un mois de mensualité de crédit. Loyaux 7, 12, 13. Vous vous inscrivez très, très nombreux. Je le vois par SMS. Merci d'être si nombreux. Je sais que c'est un moment important pour vous. On vous rappelle en direct, on tire au sort. Vous répondez Virgin Radio et c'est gagné pour vous. C'est pas vrai. Ah, bah oui, mais là, du coup, je suis un peu grillé. J'ai pas fini ma phrase. C'est Lydia qui est là. Oui, hello. Salut Lily, comment tu vas? Bah ça va impeccable. Bah moi aussi, écoute, ça n'a pas l'air de t'inquiéter, mais je vais bien aussi, oui, mon Clément. Disons que j'écoute un peu la radio quand même. Hein. T'as un amour, Clément. Comme on a donné sans faire exprès la réponse au moment où tu as décroché, peut-être qu'on va faire l'inverse. Faut voilà. Trouver la question. Hey. Ah oui. Tu voilà. Poses, tu donnes la radio et faut trouver la question. Très bien, c'est comme le Géopardi à l'époque. Ouais. Alors Lydia, si je te dis Virgin Radio, quelle est la question? Vous offre un an de loyer. Un mois. Elle a essayé. T'es maline, toi. T'es maline, oh, maline. Je vais faire un petit peu. Bah, bien sûr. Tu fais quoi dans la vie, Lydia? Eh bien, je travaille dans l'airsoft, dans les pistolets à billes. Ah, oh. Déconne pas. Oui, il y a le paintball. Avec je connais très bien les petites billes, là. Exactement. Non, mais attends, c'est génial. Ah ouais. Ça y est. Tu bosses là-dedans, c'est-à-dire, tu fais quoi là-dedans? Eh bien, je m'occupe des relances clients. Les relances clients, c'est ceux qui n'ont pas payé? Oui, voilà, ouais, je suis la vilaine de service, je sais, je sais. Ah, alors, apparemment, un mot à te dire, alors. Non, mais d'accord. Camille, est-ce que tu penses à ce que je pense? C'est-à-dire est-ce qu'on irait qu'on fasse l'amour? Ah non, pardon. Non, pardon. Ah, c'était pas ça. Bien entendu. Ah non, je pensais à venir manger à la maison. Ah, pardon. Tu pensais à quoi? Mais non, mais. Non, mais parce que les mecs, on pense toujours à ça. Non. Tu penses à ce que je pense? Non, je pense pas. Non. C'est-à-dire, franchement, ça m'étonnerait que. Ou alors, t'es vraiment une fille, ça là. Ça. Mais ne demandez jamais ça à un mec, hein, les filles. Hein. Tu penses ce que je pense? Non, aucune chance. C'est sûr que non. Non, le mec pense toujours à autre chose. Voir ta pire pensée, t'es loin de ce que je suis en train de penser à l'heure actuelle. Lydia, ma chérie, alors t'habites quel coin d'ailleurs? On te demande même pas alors. Oui. J'habite dans la Sarthe. Et t'as un loyer de combien? 1700. Eh ben, on va te le payer, c'est gagné, oh, bravo! C'est gagné, merci! Vous êtes extra. Je vous écoute tous les jours. Merci. Eh ben, t'es un amour. Merci à toi, ma chérie. Merci à tous nos auditeurs du côté de la Sarthe. Voilà, c'est Lydia qui vous représente. C'est une gagnante parmi vous tous. Mais rassurez-vous, il reste encore deux tirages au sort. 8h20, 9h20 pour votre loyer. Loyer au 7-12-13 par SMS. On attend toutes les inscriptions. Imani dans le Bisochai. Voilà ce qu'on écoute tout de suite. Ça, c'est pour le pop rock électro. Excellent réveil à tous. Tonic. Take a breath, rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me, Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Hold my step, I'm in command. Can you feel my hips in your hands? And I'm laying down by your side, I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me, Father. Don't ask me why, you're right, you're right. And my heart just raced so much faster. I drown myself in your holy water. And both my eyes just got so much brighter. And my soul got, oh, he is so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me, Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Take off my clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes and bless me further. Don't ask me why, don't ask me why, don't ask me why. Bon réveil à vous tous, 7h25, merci d'être avec nous. Virgin Tonic. Eh oui, le Virgin Tonic, c'est 6h-9h30, c'est avec toute l'équipe, bien sûr. Oui. On est très heureux d'être avec vous, les amis. Bon courage à vous qui êtes encore en train d'ouvrir les yeux. D'autres, je le sais, ont déjà bien démarré ce vendredi. Ils sont au travail, ils sont en voiture. On est à vos côtés. Un point sur l'actu, en quelques minutes, à peine, comme chaque matin à 7h30 sur Virgin Radio. Puis 7h35, un autre rendez-vous, le réponse à tout de Clément l'Incruste qui arrive. Exactement. Vendredi, bientôt le week-end. Ouais. Alors, jamais dur de se lever, mais je sais qu'on commence, moi c'est mon cas, tout le monde, hein, on commence à se dire tiens, qu'est-ce qu'on va faire un peu ce week-end, on pense à ce qu'on prévoit avec ses potes le vendredi soir, pourquoi pas avec sa chérie le samedi après-midi, et ça nous aide à et ça nous aide à passer un petit peu le vendredi, quoi. Ouais. En boîte. Bah tu sais ce que tu vas faire ce week-end, tu vas venir avec moi. dans le bar dont je t'ai parlé, où t'es accueilli par une fille qui a des pistolets, et au lieu d'envoyer de l'eau, les pistolets à eau, qu'est-ce qu'ils envoient? De la boisson. Donc tu fais, ah. Et voilà. Clément, il faut savoir, c'est le petit bourré, c'est comme le petit futé, mais des bars. Clément, il connaît que des bars à concept. Vous savez, il y a plein de bars et c'est génial, ça concept. Ouais. Ou les boîtes de nuit. Les boîtes de nuit, vous n'avez pas une boîte de nuit dans laquelle vous êtes allé? C'est la plus belle boîte de nuit du monde. Ah ouais. C'est toi, quoi, toi, Clément? La meilleure, elle était à Bodrum, en Turquie. C'était à où ça? À Bodrum. En Turquie. Okay. C'est à Saint-Tropez, mais turc un peu. Ouais. Et en fait, il y a une boîte qui s'appelle le catamaran. Et donc, comme son nom l'indique, c'est où? Sur un catamaran. Sur un catamaran. Eh ben, exactement. T'as que 4000 personnes, le bateau, il part minuit. Et il revient à 5h du mat, et si t'arrives en retard, t'as les petites navettes. Ouais. Ah, c'est des petits zodiacs, tu montes dedans, tu pars à 10. Trop bien. Tu et si tu veux, partir? Bah, pareil, t'as un petit zodiac qui fait la navette, c'est hyper et dangereux. Et comment ils font les videurs s'il y a une bagarre? Ils veulent mettre les gens dehors. Allô, mais allô, ils séparent les gars, ils sont obligés d'attendre la navette. Écoutez, monsieur, mais c'est génial. C'est pas possible, Nico du bureau. Moi, j'ai une boîte encore mieux, c'était en Belgique, ça s'appelle le Captain, et le bateau, il est dans la boîte en fait. Ils ont créé un galion dans la boîte, elle est hyper connue cette boîte, tout le monde. Il y a genre un navire de pirates dans la boîte de nuit. Ouais, dans la boîte de nuit. Et genre à minuit ou une heure, je sais plus, il y a la patronne de la boîte qui a 60 ans. Qui se met debout sur le bar et qui distribue des bouteilles de champagne à tout le monde. Ah bon? Ok. Sympa. Ah bah dis donc. Moi c'est plus simple. La boîte la plus dingue, je me rappelle très bien du nom, s'appelle La Flèche. Ouais. C'est une boîte de nuit complètement dingue où moi c'est plus simple que ça. Il y a juste la piste de danse qui tournait. Oh, c'est bon. Ouais, super. C'est cool. J'oublierai jamais. Non mais tu danses et en fait les autres gens ils sont assis et toi tu danses et la piste de danse elle fait le tour de la boîte. Franchement, c'est une super idée. Mais non. Oui. Mais c'est un truc années 80. Oui, on peut excuse-moi de pas avoir de catamaran. Ouais. Qui m'emmène au bout du monde. Oui, Clément. La Flèche, c'est le surnom du mec qui a trouvé le concept parce qu'il avait 80 ans de retard. C'est quoi, tu dis oh, La Flèche. Mais c'est une super bonne idée, ouais, Nico, ouais, du bureau. C'est génial. Non mais Camille, ta boîte, si jamais il y a une fille qui te plaît en fait, tu peux la voir toutes les 10 minutes. C'est vrai. J'avais pas pensé à ça. Ouais. Excuse-moi, en plus tu donnes du coup quand tu repères une fille tu fais nord-est. Nord-est. Ah, sud-ouest, la blonde est pas mal aussi. C'est pas possible, ça fait que tourner. Vincent, tiens, est avec nous au 39-16. Tiens, on va prendre des garçons, on va leur demander si eux aussi ils ont une boîte de nuit qui a marqué leur vie. La plus belle boîte de nuit que t'as vue dans ta vie, c'est où, Vincent? Salut mon pote. Bonjour toute l'équipe. Alors salut. Moi, la plus belle boîte que j'ai vue, c'était sur Aix. C'est le Hot Brass. Et en fait, ça fait années 80, mais je me croirais dans un club de Billie Jean. La piste de danse, elle est en damier, et en fait, quand tu marchais dessus, ça s'illuminait. Ah, donc c'est génial, en fait. Mais c'est où, à Aix-en-Provence? Ouais, au-dessus de Aix, en fait. Non, ah, ça s'appelle Divino, avant. Non, je crois pas. Ah oui, c'est ça. Eh oui, la piste de danse. Et donc quand on marche, ça s'allume un peu comme dans les jeux vidéo. Ça, c'est génial. C'est de danse, voilà, qu'on voit. En fait. Moi, ça me faisait penser au clip de Billie Jean. En fait. Bah oui, bah oui. Je prenais pour Michael Jackson alors que j'avais pas aligné deux pas. Il y a plus de boîtes de nuit avec des concepts comme ça. Ah, la piste vrai. De danse, le truc. Il y a moins de concepts de dingue. Il y a des boîtes de nuit magnifiques, mais il y a plus des boîtes de nuit où tu y vas une fois et tu dis, j'oublierai jamais cet endroit. Franchement, c'est vrai. Johanna, ma chérie, c'est quoi la boîte de nuit qui t'a le plus marqué dans ta vie? Salut tout le monde. Salut ma belle. Salut. Et vraiment en fait c'est exactement, mais c'est le Queen à Paris parce qu'en fait j'ai rencontré Jean-Paul Gaultier. Wow. Et, bah ouais, il est arrivé vers moi, il m'a regardé, il m'a dit excusez-moi mademoiselle, je me suis poussée, il est passé. Voilà. Bon, excuse-moi, tu viendrais pas de mettre un pied dans le show business quoi? Comme tu peux. T'étais au milieu, voilà, il t'a dit pardon mademoiselle. C'est ça. Ok, bah pote avec Jean-Paul Gaultier. Bah super. Voilà. Hashtag le mal. Ah non, mais moi j'étais choquée parce que j'adore Jean-Paul Gaultier, quoi, donc voilà. Ça... Ah, mais c'est la classe, Oui, bah Nico du bureau. Moi, je trouve que quand t'es de province et que t'arrives à Paris, t'es toujours déçu par les boîtes. Tu crois toujours que c'est des grosses boîtes, des trucs énormes. C'est vrai. Le Queen, je me rappelle les bains douches à une époque aussi, il y a longtemps. Ah, c'est bien. Ah non, c'est des petites boîtes en fait. Tu dis, tu penses que c'est énorme. Moi, je me rappelle, je suis arrivé à Paris, je m'attendais à dès que tu sortais en boîte, t'étais tout fier. Tu disais, tu vas rencontrer plein de stars et tu tombes sur Clément Lincru. À l'entrée, qui peut pas rentrer. C'est comme ça qu'on est devenus copains. Oui, Laure. Mais Nico, il parle d'une boîte qui s'appelle Les Bains Douches. Elle a réouvert et il y a une piscine à l'intérieur. Non, c'est pas une piscine. Connais. Non, c'est une piscine. Bah, attendez, moi, je viens du Sud. Il connaît Vincent, t'es du Sud aussi? C'est ça, oui. Nous, on a plein de boîtes de nuit. Il y a des piscines. Ouais. Ah, bah oui, il y a des piscines. Ouais. Pas à l'intérieur. Ouais, hein. Ah, mais là, c'est à l'intérieur. Ah, mais à l'intérieur, ça sent le chlore. Nous, c'est à l'extérieur. Je vous bats. En Vendée, il y a une boîte qui s'appelle Le Manoir. Et tu sais ce qu'il y a dedans? Des chevaux. Non. Il y a des box. Je suis passé. Il y a plein de salles, mais c'est hyper grand. sur le côté tu passes, il y a des chevaux, il y a des box sur le c'est côté. Génial. Non mais il y a chevaux. Des box. Attends, est-ce qu'il y a des rideaux et avec ouais, un voilà. Trou pour les box pour les. Mais non, ah. Non. Parce que c'est le manoir tu dis. Pas compris où t'étais tombé quoi. Les gens étaient très accueillants bas. Énorme. Peu de t-shirts, pas beaucoup de t-shirts. Peu de t-shirts. Et puis les gens, ils mettaient beaucoup de cuir les gens. Je suis tellement naïf. Non non, c'était pas un ranch Clément. Je vais pas demander pourquoi c'est à toi qui mettais la selle. Écoute, j'ai passé une bonne soirée, c'est l'essentiel. L'essentiel est préservé. C'était encore plus, restez avec nous sur Virgin Radio. Bruno Mars, Uptown Funk, voilà ce qu'on va écouter dans un instant. Je vous souhaite un excellent réveil. Merci d'être avec nous sur Virgin Radio. Il est tellement mignon, Clément. J'ai une boîte, elle était géniale. Ça s'appelait le donjon. Et en fait, ils avaient tous des fouets. Pour pas qu'il y ait trop de bruit et tout, ils nous mettaient des boules rouges dans la bouche. Et au moins, comme ça, ça passait que par le regard. Bon, après, moi, j'ai pas compris. Il y en a un, j'ai dû vraiment l'énerver parce que. Qu'est-ce qu'il m'a mis. Mais non, mais mes parents avaient un centricage, j'avais déjà les cravages, des trucs, c'est mon élément. On va aller au donjon quoi, c'est une des plus belles boîtes. Le manoir. Oh, mais je sais plus. Tristan Sarah, comment il va? Ça va bien, oui. Alors, mon bichon, on va faire les infos partout en France grâce à toi. Et tu commences avec la météo. Oui, et une douzaine de départements toujours en alerte aux inondations ce matin. En région centre et en Île-de-France, des averses sur le nord, des orages sur le nord-est et des éclaircies sur la moitié sud. Avant d'ailleurs de la grêle attendue demain dans le sud-est, 19 degrés en moyenne cet après-midi. La région parisienne qui est donc toujours fortement touchée par la montée des eaux, la Seine déborde et le niveau pourrait atteindre les 6 mètres. Dans la journée. Conséquence, des routes coupées et la fermeture d'une partie de la ligne C du RER. Une mise à l'abri des réserves du musée du Louvre et un plan de protection déclenché au musée d'Orsay. La Bibliothèque nationale de France sera aussi fermée au public aujourd'hui. Hier, un cavalier de 74 ans est décédé en Seine-et-Marne en alerte rouge où plus de 7600 personnes ont dû être évacuées. L'état de catastrophe naturelle sera reconnu dès mercredi prochain. Encore des perturbations aujourd'hui sur le réseau SNCF. La grève des cheminots a été reconduite en ce vendredi avec un trafic sensiblement le même que ces derniers jours. Un TER sur 2 et 6 TGV sur 10. Grève également à Aéroport de Paris, mais sans perturbations annoncées. Les pilotes d'Air France prendront le relais en grève du 11 au 14 juin. Le coup de chaud des forces de l'ordre hier à Rennes. Intervention musclée des policiers lorsque des opposants à la loi travail ont tenté de bloquer la rocade. Véhicules lancés à toute vitesse, gaz lacrymogène à la volée et pluie de coups de matraque. Les journalistes n'ont pas été épargné, la maire de Rennes réclame une enquête. France-Écosse demain soir à Metz, dernier match amical des Bleus avant le coup d'envoi de l'Euro 2016 vendredi prochain à Saint-Denis. Sachez d'ailleurs que les 26 000 derniers billets dispo pour l'Euro seront mis en vente à 16h cet après-midi sur le site officiel euro2016.fr. Par ailleurs, l'avenir de Laurent Blanc n'est plus très sûr au PSG. Le président Nasser El Khelaïfi n'exclut pas un changement dès cet été. Et puis les demi-finales aujourd'hui à Roland-Garros, Djokovic face à Thiem et Murray Wawrinka, les filles Williams-Bertens et Muguruza Stoser. Voilà pour l'actu, tout de suite c'est Camille Combal. Très bon réveil. Un excellent vendredi à tous, bienvenue sur Virgin Radio. Si vous nous rejoignez tout juste, courage aussi à hein, tous ceux qui nous écoutent depuis 6h, qui se réveillent et qui galèrent et qui sont déjà au travail depuis bien bien longtemps. On est avec vous 6h, 9h30. Courage à vous tous, où que vous soyez, vous l'entendez. Si vous aimez Adèle, vous avez fait le bon choix. C'est le Virgin Tonic qu'il faut écouter depuis lundi matin 6h. Et aujourd'hui, on a les toutes dernières. On vous offre des places pour aller applaudir Adèle. Elle est là deux jours en concert, les 9 et 10 juin. Vos places catégorie 1, les plus belles sont à gagner dans un instant. Vous le savez, si vous êtes des fidèles de l'émission, 3916, c'est le numéro pour nous joindre. N'hésitez pas, on joue avec vous dans quelques minutes pour cette toute dernière place de la semaine. On vous souhaite bonne chance et encore un bon courage. Le réponse à toutes, Clément Lincrusse qui arrive. Il est prêt. Et bien, c'est Laure qui va te lancer pour une fois. Alors attention, wow. Laure, tu donnes tout, tu nous mets tout pour Clément. Tonique. Réponse à tout. Et comme tous les matins, Clément descend dans la rue pour demander aux enfants des choses un peu loufoques. Et évidemment, les enfants ont toujours réponse à tout. Attends.

just why. Uptown funky what? Uptown funky what? Uptown funky what? Uptown funky what? Uptown funky what? Uptown funky what? Funk. Bienvenue à tous sur Virgin 7h41. Bon réveil à vous vendredi aujourd'hui le 3 juin, j'espère que tout va bien pour vous. Foncez sur notre Facebook, on est là en live streaming. Vous êtes avec nous directement dans les studios. Comme ça vous pouvez voir ce pas de danse, ce serait dommage de le louper quand même. Qu'est-ce que c'est là, le chat hop. C'est toujours le même par contre. Mon dieu. J'ai soufflé. J'ai pas la caisse hein. Les amis, soyez les bienvenus. L'équipe est là bien sûr. Oui. Elle n'a pas mon niveau de danse, mais quand même, ça me fait plaisir de la croiser. Et puis il y a Caro qui est au 39-16, qui va peut-être être notre dernière gagnante de la semaine et qui va peut-être repartir avec ses places pour Adèle. Ça va ma Caro? Salut, bonjour Camille, bonjour à toute l'équipe. Salut. Elle vient d'où ma petite Caro? Je viens de Nantes à côté, enfin Vertoux à côté de Nantes, pardon. D'accord, très bien. Macaro, attention, un jeu pour toi. Bah un non, jeu qu'on aime beaucoup. Il est pour toi parce que peut-être tes places pour Adèle les toutes dernières. On félicite tous les gens qui ont gagné cette semaine. Et ils sont nombreux. Candy, Yann, Mathieu, Nathalie hier et donc peut-être Caro. Attention ma belle. On va jouer avec un personnage que j'adore. Ah. C'est le grand retour du chanteur mais météorologue Francis Cabrol, bien sûr. C'est Francis Cabrol sur Virgin Radio, tellement. Ah, je suis content d'être là, comme le Languedoc jusqu'à l'Aquitaine. Ça s'en va, cadre. Plaisir. Bonne journée. Caro, attention, oui. Le principe est simple. Je t'écoute. Francis Cabrol, il chante extrêmement bien, donc il va faire des reprises de chansons. Sauf d'accord. Qu'il a la particularité d'être fan de météo, et donc. Il te chante la météo sur les chansons. Ok. D'accord. Il va chanter le soleil là, j'espère. Hein. Peut-être. En tous les cas, tu t'oublies tout le côté météo. Concentre-toi sur la chanson sur laquelle il chante. Vous aussi, jouez avec nous, évidemment, dans votre voiture. On y va, c'est parti. Premier extrait. Allez. L'ambiance est loin d'être estivale. Oh, Thelma. En météo, on dit c'est un temps dégueulasse. En plus. Il y a une nouvelle dépression. Bon. Sur l'Est, il fera pas beau. Sauf sur le pourtour méditerranéen. Oh, tu m'as frustré, je voulais qu'elle démarre la chanson. Je sais, tout le monde. On n'a pas le temps. Caro, ma belle Caro, alors est-ce que tu as retrouvé l'artiste original de cette chanson? J'ai un gros doute. C'est en anglais, ça je sais. Non, c'est pas en anglais. Quasi. C'est quasi en anglais? Irlandais. Oui, c'est en anglais. Lance-toi, ma chérie, lance-toi. N'hésite non, pas. Pas. Allez, il faut y non, aller. Je crois que je vais trop loin. Oasis. Et non, c'était U2. Oh, c'était U2. C'était facile, hein. Caro, attention. C'était facile. Oh, ah oui, bordel. Oh non. Moi, je l'avais pas, hein. Hein? Moi, je l'avais pas. C'est ce que je dis, c'était facile. Attention. Tu me défends, hein. Merci, là. Et trois extraits. Là, t'as pas trouvé le premier. Maintenant, il faut que tu trouves les deux suivants. T'as pas le choix. Caro, on y va. Francis Cabrol, c'est à vous. On y va. Ça groove. Le temps restera un peu mitigé. Des éclaircies dans les Pyrénées. Des samedis moins de pluie sur la France. Enfin bientôt un temps de vacances. On en a plein les fesses de ce temps pourri. On en a marre des averses. Et du froid aussi, sauf sur le pourtour méditerranéen. Elle me manque cette phrase. Je suis content de retrouver tout ça, tout le décorum. Alors évidemment, il y a du déguisement et tout, mais vraiment, moi, c'est le pourtour méditerranéen à mon moment. Caro est partie pour chanter, visiblement. Ma Caro, tu as retrouvé? Si. C'est ça, c'est le titre. C'est ça, nanana. Et qui chante? C'est. Eh oui, voilà. Eh oui. On a un indice, si tu veux, Camille a son vrai prénom. Hein, Camille? Je crois toujours qu'il s'appelle Aurélien, Corentin ou alors, Valentin. Je confonds. Non, mais il s'appelle Valentin. T'es sûr? Oui. Quand il est venu, je l'ai appelé Aurélien. Voilà. C'est Girls. Wouh! Oui, mais le titre du groupe, c'est le groupe qu'il me faut, ma chérie. Oh, bordel. Girls, c'est un bloc, c'est un groupe, on est stressé. Non, c'était Kungs, ma chérie. C'était Kungs, Girls. Eh ouais, c'était Kungs, This Girl. Oui. Le tube Girls. De cet été, Macaro, je suis désolé, là on n'y est pas là. Si, s'il te plaît. Eh non, là on n'y est pas là. Oh non, mais je. C'est obligé. Je suis obligée d'avoir ces places. Mais je peux pas parce que là, il y en a deux. Il y a plein de gens qui rêvent d'avoir les places et là, malheureusement, deux mauvaises réponses. Je peux pas. Je passe pas la macaro. Bah, je suis obligée. Tu veux que je te dise pourquoi? Pourquoi? Parce que mon amoureux, il m'a dit, Caroline, tu arrives à avoir cette place, je te demande en mariage. On peut pas. C'est un kitou double. C'est du chantage. Mais tu sais quoi? Tu restes avec nous, on va appeler ton mec et on va lui demander si c'est vrai. D'accord. Okay. Pas de problème. On va te prendre en antenne, tu vas nous donner les coordonnées de ton mec et en direct dans un instant, on l'appelle. Et si vous mariez, s'il demande en mariage au concert d'Adèle, t'auras tes places. Sinon. Ah, finesse, tu lui mets la pression là. Mais rien. C'est sûr, je te dis, on va voir, on te récupère au standard, on va vérifier ça. Vous êtes en direct sur Virgin Radio, ça s'appelle la négociation. Ouais, c'est vrai. Je suis le seul animateur radio à qui on négocie. C'est magnifique. Là, c'est perdu. Ah, fais-moi 30%. Camille, allez. Tu peux pas me laisser comme ça. 7h46, les amis, excellent réveil. Mac Posner, I took a pill in Ibiza. Excellent réveil. Merci, Francis Cabrol. Ça m'a bien fait plaisir. Au revoir à tous. Au revoir. Hey, this is Mike Posner and you're listening to Virgin Radio. I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Sad souls, sad souls. Darling, all I know are sad souls, sad souls. Shot. I get along with old timers cause my name's a reminder of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no, cause as soon as the sun comes up I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. And you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. All I know are sad souls, sad souls. Merci d'être avec nous les amis. On est en direct, il y a plein de choses de prévues dans l'émission. On va vous régaler ce matin, on a encore des cadeaux magnifiques. On est en pleine négociation avec Caro qui veut ses places pour Adèle. Elle a perdu ses places. Elle m'a dit, si tu m'offres les places, mon chéri va me demander en mariage. On va avoir le chéri au téléphone. Il a la pression celui-ci. Hein. Le concert des produits. C'est-à-dire qu'il va s'engager pour la vie juste pour aller voir Adèle au début. On va voir ça avec lui. On va négocier 8h-10. Si à Cheap Twist, voilà ce qui arrive pour le pop rock électro. Je voudrais surtout vous souhaiter un excellent réveil, un excellent vendredi. Et je vous remercie encore d'avoir choisi le Virgin Tonic plus nombreux chaque matin pour ouvrir les yeux. On est là avec vous jusqu'à 9h30. Salut, c'est Magali de Beauté Blog. Sephora. Le smoky des défilés n'est pas réservé qu'aux stars. Chez Sephora, ils font ça très bien. Une soirée imprévue, à l'aise le regard de braise. Au Make-up Bar, le smoky, c'est gratuit et sans rendez-vous. Des experts qui savent faire, ça change tout. Sephora, au cœur de la beauté. Maquillage ciblé réalisé par les conseillères Sephora selon disponibilité. Avant, l'été, sans Chris, ça ressemblait à ça. Chou ! Qui veut des choux ? Chou ! Mais ça,

à tous dans le Virgin Tonic. C'est vendredi, c'est le 3 juin. On est en direct avec vous, 6h-9h30 chaque matin. Il y a Laure, il y a Clément, oui, il y a la popo. Coucou. Du standard, bien sûr, le 39-16 pour nous joindre. On fait un point sur l'actu dans 2 secondes à peine, à 8h pile comme chaque matin. Et puis 8h05, enfin cette question de ouf qu'on adore, hein. C'est à 7h05 et 8h05 chaque matin. On écoute tous les messages que vous avez laissés sur notre répondeur. Mais pour le moment, les amis, ça rigole pas. Ouais. Ah là, vraiment, ça rigole pas, puisque on joue quand même pour un truc très sérieux. On joue pour un cadeau magnifique. Des places pour Adèle, c'est les toutes dernières de la semaine. Hein. On en a offert vraiment toute la semaine. 2 places chaque matin. Candy, Yann, Mathieu, Nathalie, c'est évidemment over complet les 9 et 10 juin. Adèle sera là pour 2 concerts exceptionnels à Paris. On vous invite tous les matins dans le Virgin Tonic. Et on a eu Caroline qui a malheureusement perdu au jeu. Mais non, mais j'étais trop nul. Hein. Il était dur. Oui, il était dur. Ça, il a été dur, mais Caro, tu sais, moi j'aime la franchise. T'as pas été dingue. Non, j'ai. Oh. T'as pas été dingue. Je t'ai connu meilleur. C'est vrai. Hyper bonne. Hein. Caro, là, on est passé à côté du jeu. Non. Donc Caro, t'as fait ce qu'on appelle une bonne négociation des familles. Oui. Presque du chantage. Du chantage, du chantage affectif. C'est pas non, fait, hein. Non. J'ai été très franche dans mon jeu. On va vérifier si tu as été franche. Oui, pas de problème. Si vous nous rejoignez, Caro nous a fait une promesse. Je suis, et ça me fait très plaisir, l'animateur le moins respecté de France. Quand il y a un enfant de 8 ans, bah, il me bâche à l'antenne. Quand les auditeurs perdent un jeu sur les autres radios, ils font « Ah, bah, désolé, merci, bah, on va quand même repartir avec le réveil, c'est gentil. » Moi, non, c'est on reste, on dit « Non, le jeu, non, tu peux pas, faut m'offrir le cadeau, il n'y a pas de sac, Abby, tu peux pas me faire ça. » Caro en négociatrice, tu nous as dit « Mais... » Mon mec m'a dit, ton mec s'appelle Thomas, c'est ça? C'est Thomas. Tu nous as donné son numéro hors antenne, on t'a gardé au téléphone, tu n'as pas pu lui parler. Mais non. Donc tu nous as dit, mais en plus, mon mec m'a dit que si je gagnais les places pour Adèle, il me demandait en mariage. Bah oui. On va vérifier, on l'appelle tout de suite en direct. On a son numéro. Si c'est vrai... C'est soit une demande en mariage, c'est soit un râteau. Hein. Si c'est vrai, peut-être que tu iras voir Adèle. Je ne dis pas oui. Non. Je dis peut-être. Mais sinon, tu iras voir ailleurs. Non. Allô Thomas. Oui, bonjour. Salut Thomas, c'est Camille et toute l'équipe du Virgin Tonic. Tu es en direct sur Virgin Radio. Bonjour Camille. Thomas. Thomas, t'imagines, t'as vu qui on a au téléphone? C'est incroyable. Elle te parlait Camille. On a Thomas. Je l'adore. Thomas, est-ce que tu peux déjà me confirmer ton identité? Est-ce que tu es bien le chéri de Caro? Entre autres. Je confirme. Oh. Combien de temps que tu es avec Caro? Ça va faire 7 ans le 12 juin. Ça va faire 8 ans, mon chéri. Ah, ok, on a confirmation, c'est bien ton mec. C'est bon, c'est bien moi. Apparemment, pendant un an, t'étais pas à 100%. Ouais, on va dire que... Thomas, sois honnête, est-ce que tu écoutais ta chérie Caro qui passait sur l'antenne? Non. Alors, elle a fait un jeu. Tu sais qu'elle jouait ce matin quand même, tu le sais, ça pour des places pour Adèle. Ouais. Et elle a perdu le jeu. Ah bah bravo. Alors, je vais te dire, je suis honnête, hein. Ta chérie, c'était même pas genre pas loin. Non. Elle s'est vraiment pris les pieds dans le tapis. Ouais. C'était nul. Tata. C'est même trop. Ouais, d'accord. Elle a été nulle. Zéro caca. Elle est passée à côté du jeu. Elle y était pas. Pas concentrée, la Caro. C'est ça. Mais elle nous a dit que tu lui avais demandé de gagner ses places pour Adèle et que tu lui avais fait une promesse. Est-ce que c'est vrai, Thomas? C'est vrai. Est-ce que tu peux nous dire quelle est cette promesse? J'avais dit que si je gagnais les places d'Adèle, je la demanderais en mariage. Oh là là, j'ai des frissons. Thomas, je prends toute la France, tous les auditeurs du Virgin Tonic à témoin. Thomas, si malgré la défaite de Caro, qui a été nul, je pense que c'est important de le marteler. Caro, si maintenant, même si elle a perdu, j'offre les places pour Caro, est-ce que tu t'engages devant tous les auditeurs de Virgin Radio à la demander en mariage, à filmer la vidéo? Oui. Et à nous la passer, parce que pour témoin, à bien montrer que tu as fait ta demande lors du concert d'Adèle. Je m'engage. Wow, wow. Thomas. Wow. Ça veut dire que le 10 juin, je vous envoie au concert d'Adèle. Non. Ça veut dire que le 11 juin au matin, sur le Facebook de l'émission, on pourra mettre ta demande en mariage en vidéo pour être sûr que tu nous as pas menti. On pourra. Oh, oh. Ok. Camille, je serai encore meilleure négociatrice pour quelque chose. Est-ce que Oh non, mais non. Non mais Caro, c'est la seule fille. Elle perd un jeu. Elle perd un jeu. Elle a quand même ses places. Elle dit attends quand même, si on pouvait aussi avoir la pièce montée. Non, mais c'est que pour être encore plus témoin, est-ce que ce serait possible qu'on vienne vous faire un petit coucou pour venir que voilà, on fasse directement devant vous, comme ça je vous serai directement témoin. Ah oui. Parce que franchement, moi je vous écoute depuis déjà 2 ans, j'espère 3 l'année prochaine, et j'aimerais vraiment vous rencontrer. Et bah tu sais quoi, on va faire ça. Vous allez au concert d'Adèle, les places sont gagnées, c'est normal. Et en plus, on fera la demande en direct sur Virgin Radio. Thomas, tu t'es mis dans une belle galère, Thomas. 8h01, reste avec nous sur Virgin Radio. Les places sont gagnées. Ça y est, on a encore des iPhone 6S, des cadeaux magnifiques à vous offrir. Restez avec nous. Virgin Radio, bientôt 8h. Vous avez encore rêvé de petits fours et de moments entre amis. Ne rêvez plus. Pour les amoureux de l'apéro, Passe au Traiteur a créé le World Apéro Day. C'est le 11 juin et c'est la première journée mondiale de l'apéro grâce à Passe au Traiteur. Plus d'infos sur worldapéroday.com. Bienvenue à vous sur Virgin Radio, les infos partout en France. C'est avec Tristan Sarah. Salut mon Tristan. Salut Camille, bonjour à tous. Avant de revenir en détail sur les inondations, la tendance est à une météo très mitigée pour ce week-end. Toujours du soleil sur la Bretagne, mais ça va se couvrir sur le sud. Des orages et de la grêle sur les régions de la Méditerranée. De la pluie en Île-de-France. La région parisienne, donc, est la région centre qui reste en alerte aux inondations ce matin. La Seine-et-Marne est maintenue en vigilance rouge face à la montée des eaux. La Seine pourrait atteindre un pic de 6 mètres dans la journée. De nombreuses routes sont inaccessibles, tout comme les voies sur berge à Paris. Une partie de la ligne C du RER est coupée. Fermé aussi le musée du Louvre pour mettre certaines œuvres à l'abri. Le plan de protection est déclenché au musée d'Orsay. 19 000 foyers privés d'électricité dans le sud de l'Île-de-France et dans le Loiret. Sachez aussi que l'armée a évacué plusieurs centaines de sinistrés dans le Loiret-Cher. Troisième jour de grève consécutif à la SNCF, le trafic sera encore très perturbé aujourd'hui, avec à peine un TER sur 2 et 6 TGV sur 10. La situation devrait se débloquer lundi avec une ultime réunion de négociation sur l'organisation du travail. Ça va mieux dans les raffineries, mais les ports sont toujours bloqués, notamment au Havre et à Marseille. À Air France, grève des pilotes dans 8 jours, du 11 au 14 juin. 4 mois de prison avec sursis pour un gérant de bar de Clermont-Ferrand. Il a été reconnu coupable d'homicide involontaire après la mort d'un client qui avait remporté un concours d'alcool dans son établissement. Sa peine a été assortie d'un an d'interdiction d'exercer son métier. Après McDo et Google, le site Booking.com, dans l'œil du fisc, Bercy lui réclame 356 millions d'euros d'impôts. Après un audit des années 2003 à 2012, le leader mondial de la réservation en ligne conteste et affirme avoir déjà réglé ce qu'il devait aux Pays-Bas, où est implanté son siège européen. Le chanteur Prince serait bien mort d'une overdose de médicaments. C'est en tout cas ce qu'annonce un quotidien de Minneapolis. Des antidouleurs à base de dérivés d'opium, pas de confirmation officielle pour l'instant. Les demi-finales aujourd'hui à Roland-Garros. Côté femmes, Serena Williams face à la néerlandaise Kiki Bertens et l'espagnole Garbine Muguruza opposée à Samantha Stosur. Chez les hommes, Andy Murray contre Stan Wawrinka et Novak Djokovic face à Dominic Thiem. Laurent Blanc, lui, n'est plus très sûr d'être l'entraîneur du PSG à la reprise le 4 juillet. Son avenir s'assombrit, à en croire les propos de Nasser El Khelaïfi dans Le Parisien ce matin. Le président du club de foot de la capitale assure qu'il n'exclut pas de changer de coach dès cet été. Voilà pour l'actu. Tout de suite, c'est Virgin Tonic avec Camille Combal, Laure, Pauline, Ginger, Nico et Clément. Très bon réveil avec nous. À tout à l'heure pour d'autres infos. Courage à vous tous qui ouvrez les yeux avec nous, qui êtes déjà peut-être au travail, encore sur la route. On pense très très fort à vous. Vendredi 3 juin, aujourd'hui, c'est pas simple, je le sais, le vendredi, mais on est là pour vous donner le sourire entre 6h et 9h30. On va prendre soin de vous comme on le fait chaque matin avec Laure, avec Clément, oui. Bonjour. Avec Pauline. Coucou. En plus, les nouvelles sont pas géniales, alors il y a encore beaucoup de pluie aujourd'hui, mais ce week-end aussi, hein. Sauf la Bretagne. Et vengez-vous les Bretons. C'est clair. Les Bretons qui nous écoutent avec tous les clichés qu'il y a sur votre région. Il n'y a que chez vous qui fait beau depuis une semaine. Même quand il y a un peu de crachin. Croyez-moi, pour nous, c'est bon à bon. Hein. Bah, c'est clair. On n'a pas vu le soleil depuis un an et demi, j'ai l'impression. Les amis, si vous nous rejoignez tout juste sur Virgin Radio, on vient juste de marier des gens. Ouais, bah, la classe. C'est un truc normal. Vous arrêtez à 5 minutes, vous arrêtez à mariage, les amis. Il y aura donc, c'est officiel, un mariage dans le Virgin Tonic vendredi prochain. Ils seront là avec nous, Caro et Thomas. Ouais. On vivra tout ça en direct, évidemment. Et puis à 8h05, comme chaque matin, vous le savez, vous avez rendez-vous avec la question de ouf. Virgin Tonic. La question de ouf. La question de ouf, tous les messages que vous nous avez laissés depuis 24h, 01 84 07 08 09. J'en profite pour vous remercier. Chaque jour, vous nous faites beaucoup rire. Vous jouez le jeu chaque matin. C'est pour ça qu'on a créé ce rendez-vous. On a les meilleurs auditeurs de France. Bah oui, c'est normal qu'on vous laisse faire. Sinon, on n'a plus rien à faire. On récupère les messages, on les met bout à bout et puis voilà. Et puis d'ailleurs, ce matin, et écoutez bien, parce qu'il y a une personne qui va être très surprise en écoutant forcément, puisqu'il y a une vraie belle annonce ce matin dans la question de ouf, Clément. Puisqu'on a demandé quelle était la meilleure façon d'annoncer qu'on était enceinte. Alors moi, j'ai annoncé à mon copain que j'étais enceinte en lui disant que je l'aimais forcément plus que lui parce que j'avais deux cœurs qui battaient en moi. J'ai acheté des œufs de cigogne au chocolat et je lui ai offert avec un mot qui disait « livraison prévue le... » Moi, j'ai dessiné une barre de téléchargement sur mon ventre et j'ai écrit en dessous « Baby is loading ». J'ai ramené une bouteille de vin avec écrit sur l'étiquette « Château Papy Mamie Grand Cru août 2016 ». Moi, je lui ai dit « Chérie, pendant 9 mois, tu as le droit de prendre du poids comme moi ». Ben moi, mes parents, j'ai mis l'échographie dans le programme TV en disant à ma mère « Regarde, tu vas encore pleurer devant un film ». Alors moi, je suis arrivée avec un paquet de savane de papy brossard et un paquet de café grand-mère. Un peu surpris par l'apéro, mais ils ont vite compris. En fait, chérie, je t'ai menti à propos de mon ventre. La bière n'y est pour rien. Coucou, alors moi, c'est Angélique, de Morsang-sur-Ange dans 91. Donc pour moi, la meilleure façon d'annoncer, ben, c'est de répondre à la question de ouf, c'est-à-dire ben, mon cœur, tu vas être papa pour la deuxième fois. Bisous, je t'aime. Question de ouf. Franchement, ça me fait dire, il y a plein d'idées magnifiques. Hein. Ouais, ah ouais, le programme télé, les deux cœurs qui battent. Et donc, on a une vraie annonce dans la question de ouf. Voilà, j'espère que cette personne a reconnu la voix de sa chérie. S'il y a tout de suite, Cheap Thrills, soyez les bienvenus sur Virgin Radio. Vous l'avez compris, hein. Vous êtes ici à la maison. On est là juste pour vous entre 6h et 9h30. Bon réveil. Hi, this is Tia on Virgin Radio. Virgin Tonic. Come on, turn the radio. C'est le Virgin Tonic en direct, 8h10. Courage à vous qui êtes déjà en voiture, dans les transports, sous la pluie, en galère peut-être. En tous les cas, nous, on prend bien soin de vous. On s'occupe de tout entre 6h et 9h30 chaque matin. On vous souhaite beaucoup de courage. L'équipe est là, bien sûr. Oui. On a eu un mariage. Oui. Enfin, oui. Ouais. Une demande. On a offert les places d'Adèle. Thomas a certifié, il nous a juré qu'il demanderait sa femme en mariage, sa petite femme, si on lui offrait les places pour Adèle. Et donc ce sera en direct la semaine prochaine sur Virgin Radio. Oui. Fabuleux, j'adore. Oh là là, là c'est que t'es amoureux. Ah, ouais. Bah, quand t'es prêt à faire ça à la radio, quand c'est pour aller voir Adèle et tout, c'est un truc de dingue. Il y a deux trucs qui montrent que t'es amoureux. Vas-y. Quoi? Quand t'es prêt à le déclarer en direct à la radio. Et quand tu commences à regarder son horoscope pour voir si ça match. Tellement. C'est un signe. Ah bah oui. Il y a des signes qui montrent que t'es amoureux. Ouais. Quand t'écris des SMS, hein, que t'attends la réponse et qu'il y a les trois petits points qui s'affichent mais que le message n'arrive pas. Ton cœur là, c'est. Et ton cœur il est pas bien, t'es là, voilà, moindre seconde, tu veux savoir si tu vas recevoir ce texto. C'est que t'es amoureux, Clément. Quand t'as une photo d'elle en fond d'écran. Là, c'est que t'es amoureux, mais de chez amoureux. Amoureux et canard. C'est ça. Et obligé, ouais. La frontière entre l'amour et le canardisme, parfois, est très, très fine. À quel moment tu sais que t'es amoureux, Laure? Tiens, vous aussi, qui êtes là au 39-16, on va prendre un garçon, une fille. Je vais vous demander ça dans un instant, Laure. Quand ses chaussettes traînent partout et que ça t'énerve pas. Et que tu les sens même. Et que tu les manges. Ses pieds. Ah ouais. Ah ouais. C'est la vie. C'est clair. Mais non. Non, les sentir, non. Ah bah, non. Bah non. Bah, Pauline, au standard. Moi, je sais que je suis amoureuse quand il part deux jours et que j'ai l'impression qu'il part faire l'armée, tu vois, pendant un an. C'est horrible. Je suis là, je suis désespérée, je compte les heures. C'est horrible. Quand t'es amoureux au début d'une, quand t'es très très amoureux, c'est vrai que tu vois pas, t'arrives pas à l'avoir 24 heures, tu sais où t'en es. T'as l'impression que c'est horrible. Alors quand t'es en couple depuis longtemps, quand elle te dit je pars deux jours chez mes parents, tu fais pars trois jours. Ouais. Pourquoi tu prends pas trois jours, prends ton lundi, ça te fait un peu plus de temps, t'es tranquille un peu en province. Mais bon, quand tu prends ses vêtements pour dormir. Enfin, quand la fille prend les vêtements du mec, sinon c'est embêtant. Je viens de m'imaginer en petite lingerie là, c'est pas top. Tiens, on va demander à un garçon. On va casser, voilà, on casse les clichés, on fait pas les bonhommes là. Hein, là, on l'ouvre un peu son petit cœur d'amour là. Je vais demander à Hugo de nous dire à quel moment il sait qu'il est amoureux. Ça va, mon Hugo? Ça va, Camille, super, je suis content d'être avec vous ce matin. Ben, moi aussi, mon poteau. Alors, est-ce que t'es en couple toi? Ouais, depuis pas longtemps. Et alors, à quel moment t'as su que t'étais amoureux? À quel moment t'as su que voilà, ton cœur s'enflammait pour elle? Eh ben écoute, c'est dès que j'ai trouvé tous ses potes ultra géniaux. Tu vois, elle a même son pote Jérôme qui est super lourdingue. Le mec qui te sort des vannes à deux balles, bah je suis mort de rire, je le trouve génial aussi, j'ai l'impression que c'est ma nouvelle famille quoi. Mais comment? C'est trop ça. Surtout il y a un truc génial, c'est quand tu veux plaire à quelqu'un, c'est-à-dire avec tes potes, t'es toi-même. Ouais. Toi t'es en retard. Ouais. Machin. Et tu dis j'ai pas d'argent, c'est bon, vas-y, paye, avance, c'est toujours moi qui paye. Tu peux être de mauvaise humeur, elle peut faire un truc qui dernier. Arrête de fumer, tu m'en mets plein la gueule. Et avec ses amis à elle, t'es genre mais l'ami parfait. Ouais. Bah, oui. Fume-moi dessus. Non mais tiens, ouais, non mais je fume pas, mais je t'ai quand même acheté un paquet de potes, j'ai resté fumé. Surtout pas. Non mais je vais vous inviter, on va prendre la table, vous en faites pas. Non mais c'est à 35 bornes, je te ramène. Non, mais bah, 35 bornes, quoi. Alors que ton pote, tu dis vas-y, prends le métro, je te ramène tout le temps, c'est bon. C'est ça qui est beau. Marie, à quel moment tu sais que t'es amoureuse toi, ma belle? Salut. Hello l'équipe, moi je sais que je suis amoureuse quand je commence à mettre des talons tous les jours pour lui plaire, alors qu'en fait normalement des talons j'en mets que aux grandes occasions et que je suis mise basket. Bah Clément il fait pareil, dès qu'il est amoureux il met des talons. Dès que j'ai des talons c'est que je suis amoureuse. C'est sûr. Tiens, il y a Vincent quand même qui nous dit sur les réseaux sociaux, il nous dit je sais que je suis amoureux quand j'arrête de passer ma journée à googler Nathalie Portman. C'est plus passé à autre chose. Et Marie, Hugo, je vous remercie d'être avec nous les copains à 8h14. Serge Peretta, il arrive dans un instant. Miracle. Belle année Serge. On va écouter ça et puis je vais payer votre loyer. Surtout, quoi, j'oublie les amis, mais pas du tout. 8h20, loyer au 7-12-13 par SMS. Pour vous inscrire, vous passez en direct, vous gagnez un mois de loyer dans un instant. Bienvenue dans le Virgin Tony. Salut, c'est Magali de Voté Blog. Sephora. Aujourd'hui, pas de tuto, c'est de Sephora dont je vais vous parler. Vous rêvez d'un teint allé, mais sans vacances ni soleil? Là, tout de suite, coup de bol, le make-up bar Sephora, c'est des super pros à votre dispo pour vous donner bonne mine en 15 minutes chrono. En plus, c'est gratuit et sans rendez-vous. Non mais regardez-moi, j'ai pas l'air de revenir des îles. Sephora, au cœur de la beauté. Maquillage ciblé réalisé par les conseillères Sephora selon disponibilité. Les bons plans Auchan, c'est maintenant. Et oui, c'est les gratuits chez Auchan sur de nombreux produits de marque. Super, je vais pouvoir me faire plaisir tout en faisant de bonnes affaires. Tout à fait. Par exemple, jusqu'à mardi, pour l'achat de deux paquets de 12 Kinder Bueno, le troisième est offert, soit 12,58€ au lieu de 18,87€ les trois paquets. Waouh, ça fait 4,20€ le paquet de 12 Kinder Bueno. Auchan, la vie que j'aime. 516 grammes, soit 8,13€ le kilo. Paquet vendu seul, 6,29€. Pour votre santé, bougez plus. Ah ben ça alors, je ressens plus rien. Et là? Rien non plus. Et si vous passez la main, là?

Olivier. Tous les dimanches, 20h minuit, préparez-vous pour la reprise avec le Lab Virgin Radio. Faites le plein de live avec vos artistes Virgin Radio préférés, de découvertes et d'interviews exclusives. Cette semaine... Hi, this is Troy Sivan, only Lab Virgin Radio. My youth is yours. Troy Sivan. Et ton modèle. Les invités de Lionel dans le Lab Virgin Radio. Les meilleurs artistes pop, rock, électro sont dans le Lab sur Virgin Radio. Tous les matins à 8h20, Camille Combal paye votre loyer dans Virgin Tonic. 8h21 les amis, soyez les bienvenus sur Virgin Radio. On est ravis de vous retrouver vraiment chaque matin de 6h jusqu'à 9h30 pour vous remercier de votre fidélité. Vous êtes tellement nombreux à nous suivre vraiment tous les matins, un peu plus nombreux au 39-16. On décroche sur les réseaux sociaux, on voit aussi. Et puis on le sent, je vous dis franchement, on est là à la radio. On sent que vous êtes tous les jours un peu plus nombreux et ça nous fait extrêmement plaisir. Et pour vous remercier, je disais, c'est votre loyer qu'on vous offre. Plus beau cadeau, toute radio confondue. À 6h20, à 7h20, à 8h20 et à 9h20. À peu près 3. 4 tirages au sort par matinée. Il suffit de vous inscrire par SMS. Loyer au 7-12-13. Il y a une heure, on a offert le loyer de Lydia. Eh bien, vous savez quoi? Depuis une heure, depuis Lydia, là, tous les SMS que j'ai reçus, on en a tiré un seul au sort. On le rappelle maintenant, c'est ça la règle. Il faut décrocher, on n'a pas le droit de vous rappeler plusieurs fois. Vous décrochez, vous répondez Virgin Radio, un mois de loyer, un mois de mensualité de crédit si vous êtes propriétaire. Allô? Allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour. Salut, qui est là? C'est Mickaël. Mickaël, mon poteau, j'ai une question pour toi. Quelle est la seule radio en France, à Navarre, en Suède, à Oslo, à Roquencourt-sur-Aubette, à payer ton loyer? Virgin Radio. Essayez. Mika, il est pas là pour se marrer. Ah ouais. Il est là pour prendre un chèque. Super content. Ah, je suis très heureux aussi, mon Mika. Tu viens d'où? De Bordeaux. Bordeaux, la Gironde, bien sûr. Ah, alors, mon Mika, t'as un loyer. De France. Comment? La plus belle ville de France. Elle est magnifique. Alors, on a Pauline, évidemment, qui est Bordeaux, vous le savez. Mais voilà, on en parlait, mais c'est à hier ou avant-hier. Oui. Je disais, c'est, en vrai, c'est une ville qui est magnifique. Oui. Et c'est la ville la plus propre que j'ai vue. Bah, parce qu'ils l'ont refait. Il y a pas longtemps. Que je te disais hier, il y a deux Bordeaux. Un Mickaël. Il y a le Bordeaux un peu plus underground, un peu plus. Ouais. Mais si, je te jure. Non, mais en tous les cas, mais c'est un compliment. Oui, c'est la ville c'est la super. Plus. On dirait qu'il y a une femme de ménage en permanence. Non, mais je te jure, c'est nickel. Vous voyez ce que je veux dire? Ben on dirait qu'il y a tout le temps, on dirait mon appart quand ma chérie est passée avant que mes parents viennent au week-end. Tout, j'ai alkin tout. On dirait qu'à Bordeaux, tous les jours, c'est la veille de quand mes parents arrivent à Bordeaux. Donc, ma chérie est venue, elle a tout cliné Bordeaux. Mickaël, mon poteau, je suis ravi. Je te fais un chèque de combien? 750. Eh ben, avec grand plaisir, ça veut dire que déjà là, il nous reste un tirage à 9h20, mais déjà là, à 8h23, on a offert pour 3 100 € de loyer ce matin. On va faire péter les compteurs ce matin, je vous le dis. Merci à toi, mon Mika, et félicitations, on est très heureux que tu sois déjà notre troisième gagnant de la matinée. Serge Peretta, Miracle, voilà ce qu'on écoute tout de suite. Vous êtes dans le Virgin Tonic. Excellent réveil à tous. Hi, this is Julian Peretta on Virgin Tonic. Virgin Tonic. When the leaves turn brown, I watch them burn across the sun and above the clouds. The sirens clear, I'm ready to fall and find a lover that was meant for me. When the wolves run wild, I see myself, but you won't take this road I go down. The nights grow cold, the flame goes out. Living forever in a ghost town. You save me, I'll save you. A miracle that was meant for two. I'll save you, you save me. A miracle with every beat of my heart. With every beat of my heart. was meant for two. I save you, you save me. I'm nearly gone with every beat of your heart. À vous tous sur Virgin Radio, 8h26. Virgin Tony. Soyez les bienvenus les amis, on est là depuis 6h et jusqu'à 9h30, on prend soin de vous chaque matin, vous pouvez compter sur nous, alors il y a Clément, il y a Pauline. Coucou. Courage à ceux encore dans les transports, courage à tous ceux qui déposent là maintenant leurs enfants à l'école, il reste quelques minutes et je sais que pour d'autres vous êtes déjà arrivés au travail. On pense très très fort à vous, vendredi 3 juin, je le disais dans un instant, un point sur l'actu, vendredi 3 juin c'est important. Juste après, comme c'est vendredi 3 juin, à 8h35 on aura la réponse à tout du vendredi 3 juin. Qu'est-ce qu'un homme politique? C'est la question que j'ai posée aux enfants. Vous l'avez fait quel jour? Je l'ai fait, je sais plus, il y a quelques jours là. Mais non, mais le vendredi 3 juin, je parle. Ah oui, j'étais pas. Ah là là, il a tout cassé. Là, écoutez, passe-moi ton casque, Radio. Ouais. Vas-y. Je croyais que t'allais lui dire, passe-moi ton carnet de correspondance. Dans son casque, il écoute Skyrock. Oh non. C'est dégueulasse. Ça se fait ça? Et dans un instant, on fait tourner la Skyrock. Et Romano a appelé pour vous des. Pour faire un canular téléphonique extraordinaire. Il a un quart de tour. Bon, les amis, en tous les cas, on est très heureux d'être avec vous. Je vous le dis, je vous le dis. Je viens de péter le casque de. Oui, je crois. Ouais. Merci. Ouais. Et ouais. Diam sera avec nous vendredi. Donc planète pop rock électro. Je casse toujours les casques de radio en les mettant, on les met sur la tête comme ça. Et il y a un clip là et ouais. J'arrête pas de les casser. Il y a ça et les comment les je sais même pas comment ça s'appelle d'ailleurs. Le truc, vous savez, on met les piles là à télécommande. Et le petit cache qui revient dessus. Un petit clapet, le cache. Pour fermer. Ouais, le voilà. Clapet. Bah, moi, il s'enlève une fois, il se remet plus jamais. Ouais. C'est vraiment le truc qu'on casse. Ah, mais moi, je casse tout. Ouais, le petit chouk là. Le petit bijou. Je le casse systématiquement. Ginger. Tu finis toujours par mettre du chat carton au-dessus. Je vois toutes les télécommandes, c'est comme ça, tu sais. Tout le temps. Ou alors, t'appuies fort, tu sais. Pourquoi on appuie fort sur les touches pour en croyant que ça va relancer les piles? Oui, c'est bon. Non, mais ça coûte 20 centimes. Moi, ce que je cache toujours, ma mère m'engueule justement, c'est les pots de fleurs. Tu sais, ça me sert de but de foot avec mes petits neveux. Et je casse un pot de fleurs par mois environ. Ah, tu joues au foot avec les pots de fleurs? Bah, j'ai pas de but. Bah, normalement, mais les pulls. Ah, mais j'ai pas de pull. J'ai pas un physique à jouer torse nu, Camille. Alors, qu'est-ce que tu casses systématiquement à part. Ouais. On a compris. Non, mais je parlais pour Juju, ton mec. D'accord, ouais. Qu'est-ce que tu. Il y a un truc, tu le touches, tu le casses systématiquement. Les petites barrettes comme ça, là, pour les cheveux. Parce qu'en fait, H&M, ils ont changé la qualité. Avant, ça tenait bien. Maintenant, ça se casse tout le temps. Ah, c'est chiant. Les petites dents, elles se cassent et puis ça accroche plus. Ah, les petits crochets, là, que vous mettez. Les barrettes. Tu les casses tout le temps? Tout le temps. Ça casse comme tout. Tristan, mon bichon, est-ce qu'il y a un truc que tu casses tout le temps aussi systématiquement, toi? Salut, bienvenue au 3916. Salut Camille. Ah ouais, moi il y a un truc qui me rend dingue. Je finis toujours par casser les fermetures éclair de mes blousons. Tout le temps. Et ça me saoule, mais d'une force. Mais il y a pire. Il y a pire, Tristan. C'est quoi? Ouais, vas-y. La fermeture du jean. Eh ben ouais, moi je la casse tout le temps. C'est impossible. Bah j'ai trouvé un système. Je mets plus de jean. Non. Non, mais avant-hier elle s'est cassée pendant l'émission, donc j'ai pris un anneau de mon porte-clés. J'ai attaché au. Et après j'ai accroché au bouton. Bah oui, sinon t'avais la braguette ouverte. C'est pratique. Ça doit être joli en plus. C'est pas pratique, mais au moins j'ai pas ma braguette ouverte. C'est ça, Nico du bureau. Le pire sur le zip, sur un sac ou sur un blouson, c'est quand tu crois que tu l'as bien mis, tu le montes et que d'un coup ça s'ouvre. Et alors là, pour l'enlever, c'est mort. Ou quand tu sais, la fermeture éclair, d'un coup tu sais pas pourquoi, elle veut plus. Oui. Genre, tu sais, les trucs, ça rentre les uns dans les autres et tout, il y a une bonne entente. Tu vois, quand tu fermes le truc, ouais, tout le monde rentre bien. C'est bon, on est en ordre, les gars. Ok, Michel avec machin. Et d'un coup, ils veulent plus. Ils veulent plus se mettre ensemble. Ouais. Non, c'est parce que t'as pas des zips. T'as pas des zips. C'est une phrase culte de la vérité, si je m'en le promets. T'as pas des zips. Ophélie est avec nous. Salut Ophélie. Qu'est-ce que tu casses systématiquement, ma belle? Bonjour. Salut Camille. Alors, moi, je finis toujours par casser les lattes de mon lit. Soit parce que ma fille saute dessus, ou soit parce qu'avec mon mec, on fait les petits fous, quoi. Ah, pourquoi vous faites de l'athlétisme? Oui. C'est ça, vous faites du trampolin? Tout à fait. Ophélie, je t'embrasse. Et ma chérie, merci ma belle d'être avec nous le matin. Tristan aussi, il est 8h30. On va faire un point sur l'actu, les amis, avec tous nos journalistes qui sont avec nous chaque matin. On a des cadeaux magnifiques à vous offrir ce matin. Restez bien avec nous. iPhone 6S, plein de choses à y découvrir aussi. On va envoyer un artiste Virgin Radio directement chez vous dans votre salon pour faire un événement privé chez vous avec tous vos potes. C'est à gagner aussi avant 9h30. Et Boulevard des Airs sur Virgin Radio qui arrive. Bon réveil. Et les infos partout en France, c'est avec Tristan Sarah. Salut mon Tristan, un peu de météo. Oui, on commence avec la météo et toujours l'inquiétude et l'urgence en région Centre et Île-de-France. Une douzaine de départements en alerte aux inondations, dont la Seine-et-Marne maintenue en vigilance rouge. Ce sera plus ensoleillé sur les régions du Sud, mais on attend de nombreux orages au cours du week-end. La région parisienne est donc toujours fortement touchée par la montée des eaux. La Seine déborde, le fleuve pourrait atteindre les 6 mètres dans la journée. Conséquence, des routes coupées et la fermeture d'une partie de la ligne C du RER, une mise à l'abri des réserves du musée du Louvre et un plan de protection déclenché au musée d'Orsay. La Bibliothèque nationale de France sera également fermée au public aujourd'hui. Hier, un cavalier de 74 ans est décédé en Seine-et-Marne. Ségolène Royal dit craindre ce matin que l'on découvre d'autres victimes après la décrue. L'état de catastrophe naturelle sera reconnu dès mercredi prochain. Enfin, Manuel Valls se rendra cet après-midi dans l'Essonne. Et encore des perturbations aujourd'hui sur le réseau SNCF. La grève des cheminots a été reconduite en ce vendredi avec un trafic équivalent à celui de ces derniers jours. Un TER sur deux et 6 TGV sur 10. Grève également à Aéroport de Paris, mais sans perturbation. Les pilotes d'Air France prendront le relais en grève du 11 au 14 juin. Le coup de chaud des forces de l'ordre hier à Rennes. Intervention musclée des policiers lorsque des opposants à la loi travail ont tenté de bloquer la rocade. Véhicule lancé à toute vitesse, gaz lacrymogène à la volée et pluie de coups de matraque. Les journalistes n'ont pas été épargnés. La maire de Rennes réclame une enquête. L'Allemagne a déjoué une attaque djihadiste à Düsseldorf. Un projet d'attentat suicide dénoncé à temps par un homme en détention provisoire en France. Berlin va demander son transfèrement. L'individu s'était présenté le 1er février dans un commissariat parisien en expliquant avoir des infos sur une cellule dormante prête à frapper l'Allemagne. Ça va pédaler dimanche sur les Champs-Elysées à Paris, la 5e édition des 24 heures Vélib avec Virgin Radio, un événement écolo et solidaire car les tours de vélo accomplis par les participants seront convertis en euros, des sommes reversées ensuite à des projets caritatifs. Plus d'infos sur l'opération 24 heures Vélib sur virginradio.fr. France-Écosse, c'est demain soir à Metz, dernier match amical des Bleus avant le coup d'envoi de l'Euro 2016 vendredi prochain à Saint-Denis. Sachez d'ailleurs que les 26 000 derniers billets dispo pour l'Euro seront mis en vente à 16h cet après-midi sur le site officiel. Par ailleurs, l'avenir de Laurent Blanc n'est plus très sûr au PSG. Le président Nasser El Khelaïfi n'exclut pas un changement dès cet été. Les demi-finales aujourd'hui à Roland-Garros, Djokovic face à Thiem et Murray Wawrinka côté homme. Chez les filles, Williams Verdens et Muguruza Stozer. Voilà pour l'actu, tout de suite c'est Camille Combal. Très bon réveil. Excellente matinée à tous, beaucoup de courage. Je sais que c'est pas simple vendredi, on a la fatigue de la semaine. Nous en tout cas on est très heureux d'être avec vous chaque matin, 6h-9h30 du lundi au vendredi, pour vous donner du courage. On prend soin de vous avec ce mauvais temps. En plus je sais que c'est pas simple, on met un peu plus de temps à déposer les enfants, à partir bosser. On pense forcément à tous nos auditeurs, et très nombreux hein. Ça fait 10 ans que vous aviez pas été aussi nombreux à écouter Virgin Radio en Ile-de-France. Un grand merci à vous, et dans le Loiret aussi. Je sais que vous êtes particulièrement touchés par ces intempéries. On pense très très fort à nos auditeurs qui sont là chaque matin et qui galèrent. On a des invités. C'est vendredi, et oui, alors ça va être festif. Superbus seront avec nous. Ah bah c'est pas des invités, c'est des copains. Les addictions. Et alors, quand t'invites les gens chez toi, c'est des copains, mais tu faut bien les inviter. Ben oui. Tu les invites chez toi d'ailleurs. Les a, ils sont venus, c'est vrai. Ouais. Ils sont venus chez moi faire un concert pour tous les gens qui se sont inscrits sur Facebook pour fêter le million de gens qui me suivaient sur Facebook et ouais. Twitter. Et ils sont venus chanter à la maison. C'était trop bien. Dîner. D'ailleurs, si vous voulez faire comme moi, dans un instant, vous vous inscrivez au 3916 et vous pourrez gagner un concert privé d'un artiste Virgin Radio chez vous vendredi prochain. Ouais. Génial. Là on va faire c'est le tirage au sort dans un instant là avec tous nos gagnants de la semaine. On fera ce tirage au sort, vous saurez quel artiste va venir chez vous et qui va gagner. C'est formidable, franchement. Bah ouais, c'est énorme. Vous avez voilà un artiste qui vient à la maison, vous avez juste invité vos potes et il vient, il fait un concert privé dans votre salon. Ça arrive dans quelques minutes et donc Superbus, ils seront avec nous aux alentours des 9h, mais pour le moment 8h35, le réponse à tout. Tonique. Réponse à tout. Eh oui, les enfants ont réponse à tout. Et d'ailleurs, on les aime tellement, les enfants. On rigole tellement avec eux chaque matin. Et le mercredi avec l'école des fans aussi. C'est que mercredi prochain, on fait une émission exceptionnelle. Le 8 juin, de 6h à 9h30, ce sera le Kids Tonic. Oui. C'est-à-dire qu'on fera cette émission en public. Et que dans le public, ce sera uniquement des enfants. Ah là là. Vous pouvez vous inscrire, hein, vous les accompagnez bien sûr. Mais vous vous inscrivez sur le Facebook officiel de l'émission. On a déjà mais tellement de demandes. Oui. Où que vous soyez en France, on vous amène dans nos studios. Et ce sera... On en train de préparer plein de surprises. Ce sera une immense garderie. Les enfants feront l'émission, vous qui nous écoutez. Voilà, on fera l'émission. Vraiment, on sera remplacé par les enfants. C'est eux qui feront l'émission, je suis sûr. Ça sera très très drôle. Et puis voilà, les enfants, on prendra soin de vous. Il y a plein de choses. On est en train de vous prévoir plein plein de trucs dans le studio. C'est donc mercredi prochain, le 8 juin, Clément. Et juste avant, le réponse à tout. Donc, le réponse à tout, quand je leur demande par exemple, à quoi sert un homme politique ? Est-ce que tu sais ce que c'est un homme politique ? Et il s'occupe de l'argent, enfin, du pays, de la ville. Bah, un homme politique, c'est quelqu'un qui va établir des lois. Il va inventer une loi, par exemple, des voitures, elles n'ont pas le droit de rouler sur tel endroit, et après, voilà. Et tu connais des hommes politiques ou pas ? Oui. Il y a François Hollande, il y a, comment il s'appelle ? Jean-Luc Mélenchon. Après, il y a... Non, il n'y a pas Napoléon. Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen. Il y a Anne Hidalgo. Bah, moi, c'est comme elle. C'est un homme qui va établir des lois, qui va décider des grandes choses. Voilà. Bah, le matin, il se lève, il mate sa secrétaire. Après, il prépare son discours. Le discours qu'il va faire, qui sert à rien. Et puis, après, il se demande comment il va prendre la place de l'autre. Ça, c'est la journée type d'un homme politique. Type. Le réponse à tout. Passons la réponse à tout. Merci les enfants, prochain réponse à tout, ben c'est lundi évidemment à 8h35 à la même heure. Et puis sinon on retrouvait bien sûr en podcast comme tout le reste de l'émission en téléchargeant gratuitement l'appli Virgin Radio. Mais non, ils ont hésité. Boulevard Désert tout de suite, Bruxelles, excellent réveil à tous. Bonjour, c'est Boulevard Désert dans Virgin Tonic. C'est pas encore notre aventure vaudrait de l'or. Si on se rencontrait à peine, mon amour, quelle aubaine. J'aurais la langue délicieuse, j'aurais une part de moi milleuse que j'aurais pugne désormais. Oh mon amour, qu'avons-nous fait? Je suis de ceux qui restent au port, je sais qu'on devait rire encore. Je suis de ceux, mais tu es de celles qui restent plantées à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'ignorais tout de toi, je resterais tranquille pour qu'on le soit. Si on ne s'était jamais vu, je m'attrais tes fesses à ton insu. J'aurais le compliment facile, je serais l'homme fort et le docile. Ce dernier que je ne serai plus, mon amour, je nous ai perdus. Je suis de ceux qui restent au port, je sais qu'on devait rire encore. Je suis de ceux, mais tu es de celles qui restent plantées à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Quand tu danses, c'est du dripping, t'es un cadeau pour la rétine. T'es sur une toile de mon brillant, que je saccage de mille couleurs. Je t'ai sans vergogne et sans plan, juste comme ça pour le bonheur. Je vous imagine même en camping. À Bruxelles, il y a ceux qui restent au port, il y a ceux qui rient encore. Il y a celles qui restent plantées à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Excellent réveil à vous tous, bienvenue sur Virgin Radio, 9h20. Merci de nous avoir choisis. Virgin Tonic. Je vous souhaite un bon courage, vous qui êtes en voiture, dans les transports, peut-être déjà arrivé au travail, au collège, au lycée. On prend soin de vous en tout cas, 6h, 9h30 chaque matin. Et même demain, hein, vous le savez, entre 6h et 9h, même le samedi, on vous accompagne sur Virgin Radio. Laure, Clément, oui, Pauline sont là. Oui, évidemment. Et Lara, attention, puisque là, on récupère 4 gagnants de la semaine. Antoine, Geoffrey, Alina, Coraline, vous allez bien tous les 4? Salut les moelleux. Vous avez joué toute la semaine avec nous. Antoine a gagné lundi un iPhone 6S. Geoffrey a gagné mardi un iPhone 6S. Mercredi, on n'a pas eu de gagnant, c'était perdu. Et donc, on a eu 2 gagnants jeudi, parce qu'on voulait 4 gagnants. On a eu Alina et Coraline qui ont elles aussi gagné leur iPhone 6S. C'est déjà un très très beau cadeau. Mais en plus, on vous l'avait dit, vous l'avez dit, en plus du cadeau, vous avez déjà gagné toute la gamme Passe aux traiteurs, c'est des traiteurs vendéens. Oui, exactement, des Sables d'Olonne. Sables d'Olonne, Clément nous les a présentés. Ils ont dit, oh, on aimerait bien vous offrir des cadeaux dans l'émission, ça vous fait très plaisir. Mais alors, ils sont allés très loin, puisque non seulement ils vous ont offert des petits cadeaux, mais en plus, parmi tous les quatre, il y en a un des quatre qui va gagner grâce à Passe aux traiteurs. Ils vont s'occuper de tout, hein. Ils vont vous faire la bouffe et tout, et ils vont envoyer un énorme artiste, un artiste Virgin Radio qu'on aime beaucoup en plus, chez vous directement vendredi prochain. Il sera dans votre salon pour faire un concert que pour vos potes. Waouh, énorme. Et ben pour savoir lequel des quatre va gagner, on va vous départager au maillon faible. C'est parti, attention, il ne restera qu'un. Le maillon faible, attention, le principe est simple. Vous déterminez qui va gagner l'apéro avec la star Virgin Radio. Je vous pose des questions à tour de rôle, dans l'ordre de gagnant. Hein. On part de Antoine, on finit à Coraline. Okay. Tant que vous avez des bonnes réponses, vous restez dans le jeu. Dès que vous donnez une mauvaise réponse, vous êtes automatiquement éliminé. D'accord? Pas le droit à l'erreur. Okay. On y va. Il faut répondre vite. Hein. Antoine. Oui. Casanova, c'était un boxeur, un voyant ou un séducteur? Séducteur. Séducteur, c'est une bonne réponse. Geoffrey. Banque. Geoffrey, quel est l'océan quand on est à Acapulco? Pacifique. Oh là là, je n'aurais pas eu celle-là, je vous le dis. Bonne réponse. Au hasard. Alina, quel est l'emblème de l'équipe de France de football? Un coq. Bonne réponse. Coraline, comment on appelle un triangle avec deux côtés égaux? Un équilatéral. Eh non, isocèle. Eh, fallait pas sécher en quatrième, ma grande. Fallait passer un peu moins de temps sur le baby-foot et un peu plus en algèbre. On plaisante, mais Coraline a déjà gagné un iPhone 6S. Oui. On a pris soin d'eux. On repart avec Antoine. Antoine, quelle est la couleur du saphir? Rouge. Rouge et non, bisous à toi Antoine, c'était bleu. Bah oui, c'était rouge, bleu. C'est le rubis. Enfin, j'avais pas les réponses, hein. Je vous dis vraiment, ça j'aurais pas sûr. On continue, finale entre Geoffrey et Alina. Geoffrey, oui. Bonne réponse, on continue avec Alina. Mauvaise réponse, c'est forcément Alina qui gagnera le très très beau cadeau. Geoffrey, ma question la voici. Qui est le chien dans Boule et Bill? C'est Bill. C'est Bill, bonne réponse. Alina, Monsieur Prop a plus de bras ou de cheveux? Monsieur Prop, il a le crâne rasé, non? Eh oui. Bah oui, c'est parce qu'il a plus de bras. Et donc il a plus de bras, bonne réponse. Pas simple. Geoffrey, dans la comptine, qui a mangé la chèvre de Monsieur Seguin? Qui a mangé la chèvre de Monsieur Seguin? Bah le loup. Eh non, Clément l'incruste. Non. Tout à fait. Quelle est la spécialité du Mans, Alina? Alors là, aucune idée. Mans? Oui. C'est pas les choucroutes, non. Eh non, non, non, pas la choucroute, non. Eh non, c'était les 24 heures, non, non. C'est les rillettes du Mans. C'est bon, mangez-en. Alina, malheureusement, c'est une mauvaise réponse. C'est Geoffrey qui gagne. Geoffrey, mon bichon, alors il est temps de me rappeler d'où tu viens. Je suis de Nice. Tu es de Nice. Eh bien, oui. Sache, mon pote, que grâce à Passe aux traiteurs, vraiment, on les remercie, c'est un cadeau magnifique. Le 11 juin prochain, dans ton salon, à l'heure de l'apéro, invite tous tes potes, puisque Passe aux traiteurs va tout mettre en place. Il y aura plein de petites choses, voilà, t'as juste invité tes potes. Et en plus, il y a un artiste qu'on aime beaucoup qui sera chez toi, dans ton salon, qui viendra exprès à Nice, uniquement pour toi. Oh. C'est qui? Ben, c'est qui? Julian Peretta, les amis. Mais c'est énorme. Julian Peretta dans ton salon. Alors j'espère que t'as un grand salon parce qu'il a beaucoup de cheveux. Il va falloir que je pousse les meubles, j'ai un petit studio, mais ça va être énorme. En plus, et t'auras la chance, on l'avait eu une fois, on avait fait une émission à Disney, il était avec nous. Il est adorable, donc en plus, voilà, il sera avec tes potes et tout, vous allez passer une très très bonne soirée. Il est gentil comme tout, sincèrement. Pas. Et donc, il sera dans ton salon. S'il y a un Jacques de Sange pas loin, hésite pas quand même pour voir un peu, tu verras, il y a du volume. Je fais des stocks en shampoing. On a de l'épaisseur, quoi, on a de l'épaisseur. Geoffrey, je t'embrasse très très fort, félicitations. Merci, Passo, merci Virgin, c'est vraiment, mais c'est incroyable. Bah, t'es un amour. Et encore bravo aussi quand même à Antoine, Alina et Coraline qui sont pas sûrs, rassurés. Et iPhone 6S oui, déjà. Tout va bien. Tout va bien, je vous rassure. 8h46, Superbus, nos invités à partir de 9h, les amis. Ouais. On va s'éclater. J'espère vraiment que vous passez une belle semaine, que ce vendredi démarre bien pour vous tout de suite. C'est Katy Perry, I Kiss the Girl. Oh, elle y va celle-là. Alors. This was never the way I planned, not my intention. I got so brave, drink in hand, lost my discretion. It's not what I'm used to, just wanna try you on. I'm curious for you, got my attention. I kissed a girl, I liked it. Dans le Virgin Tonic, plus nombreux chaque matin. Un grand merci à vous. On est 1 800 000 Français à se réveiller chaque jour ensemble. Vendredi, on prend encore plus soin de vous. On sait que c'est pas simple, fin de semaine. Et pour vous faire plaisir, pour nous faire plaisir, pour tous se faire plaisir, Superbus sont nos invités à partir de 9h. Super. Ils vont chanter en direct Strong and Beautiful, le tout dernier single de leur album qui sort aujourd'hui, Six Tape. Vous savez qu'on les adore. On reçoit que des gens qu'on aime beaucoup ici. Et on est très heureux de les avoir. Ils sont déjà arrivés. Je vous cache pas que là, il faut du café là, hein, en urgence. Si Jacques Vabre m'écoute, du café en urgence là sur Virgin Radio. Ils arrivent dans un instant. Ce seront nos invités. Bienvenue à vous tous. Vous êtes dans le Virgin Tonic. Et je dois gagner un blind test aussi dans deux secondes. Oui, oui. Attention, attention. On m'a mis en concurrence hier. Je ne perdrai pas ce blind test. Restez avec nous. C'est en direct sur Virgin Radio dans deux secondes. Excellent réveil. Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. C'est Sananas.

palaces in Versailles. Someone should fly with me, at dinner in Sicily. Be who you wanna be, right where you wanna be. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there. But until we get there, we'll be howling at the moon. Howling at the moon. Bon réveil à vous tous les amis, bienvenue sur Virgin Radio. Vous avez fait le bon choix, c'est là que ça se passe tous les matins. Un dernier loyer à gagner bien sûr à 9h20. Il vous sera offert par Superbus ce matin, qui sont nos invités dans quelques minutes à peine. Ouais. Restez là. À l'occasion de la sortie de leur tout nouvel album qui cartonne de dingue, Six Tape. Il va cartonner cet album, il sort aujourd'hui. Je dis déjà qu'il cartonne moi. Mais je l'adore, c'est peut-être leur meilleur, vraiment, c'est fantastique. On les adore, mais alors on reçoit que des amis, mais vraiment, alors déjà eux sont géniaux, mais on adore ce qu'ils font. Willor. La pochette, elle est trop belle, ça me rappelle mon enfance. Et oui, puisque c'est une mire. Ouais. Non, mais c'est très bon. Forcément, il n'y a que Laure et moi qui pouvons connaître. Bah oui. Mais pour le moment, Eddie était avec nous hier en direct, il m'a mis en compète. Ouais. Il m'a challengé sur un blind test, on va régler nos comptes tout de suite, c'est parti. Virgin Tonic. Blind test sur Virgin Radio. Un blind test, alors c'est Clément qui l'a préparé. Je ne connais rien de ce blind test, les amis. Eddie est avec nous au 3916. Salut Eddie. Salut Camille. Otto. Ouais. Tu m'as challengé? Un petit peu, je t'ai clashé, ouais. Allez, bam. On ne commence pas, messieurs, s'il vous plaît. Je demande au public d'applaudir très fort nos deux candidats, concurrents qui arrivent. À ma gauche, invaincu depuis 1987. Il est né dans une discothèque pendant un quart d'heure américain. Je vous demande d'applaudir le bûcheron des ors, Camille Combal. Et face à lui, il arrive d'Avignon. Il a été élevé par des DJ et des barman. Voici Eddie, le gogo. Merci. Du Vaucluse. Yeah. Merci. Un seul thème aujourd'hui. Les règles sont simples. Oui. On crie notre prénom, bonne réponse, on marque un point. Mauvaise réponse, on marque le point va à l'autre. Exactement. Laure comptabilise les points, oui, c'est parti. Attendez, le thème, c'est quoi? Le thème, spécial tube de l'été. Oh là, je suis nul à ça. Je te rassure, je suis pas très bon en tube de l'été non plus. Donc, ça, c'est pas sympa parce que vous avez essayé de me piéger. Non, il y a de tout. Attendez, je m'en mets quelques-uns en tête. Okay. Attention, c'est parti. Premier extrait. Bonne chance, messieurs. Eddie. Socadence. Socadence. Non, non. Il faut c'est l'artiste. Alors l'artiste, c'est Charles D. Lewis. Oh, oh, voilà, je prends là. Attention. Charles, je l'avais pas. Je pensais le piger sur l'artiste, mais là, je me suis fait avoir. Deuxième extrait, vous l'avez tous les deux, ça va aller très vite. Camille. Oui. Zouk Machine. Et un partout, égalité. Ok. La prochaine chanson. T'as pas de bol, Eddie. Tous les jours, je fais mon ménage là-dessus. La prochaine chanson est très connue, mais saurez-vous reconnaître l'artiste? Camille. Oui. Les négresses vertes. Oh, bien joué. Oh, Camille. Joli. Il dit Camille avant d'avoir la réponse quand même. Hein. Et oui, c'est bien, c'est la bonne stratégie. Oui, mais s'il l'a pas, le point va à Eddie justement. Attention, quatrième extrait. Eddie. Oui. Je l'ai. C'est Tic Tic Tac. Et l'artiste. C'est j'ai une mémoire à débit qui s'arrive à se rappeler que c'était produit par Patrick Bruel. Eh ouais, mais c'est bien ça. Mais t'oublies que ça s'appelle Carapicho. Oh, Carapicho. Alors, il est où Eddie là? On l'entend moi, Eddie. Eddie là pour l'instant il est au troisième sous-sol, mais il va se relever. Attention, c'est parti. Cinquième extrait. On rappelle le score. 3-1. C'était la musique qu'on a trouvée. Oui. Camille. Ah pardon. Camille, Sandy Valentino. Pourquoi tout ça n'arrive qu'à moi? Et pourquoi est-il tombé sur moi? Oui. Mais qu'ai-je donc fait? Bon, 4-1. Je pense que là, si tu marques pas le point maintenant, ça va être compliqué. C'est vrai, attention, dernier extrait. Camille. Tarkan. 5-1, c'est gagné. Mais je Mais en plus, j'attendais les Nomades et j'attendais, j'étais à fond, je me mettais dans la tête, je pensais que vous alliez mettre la Macarena, Los Del Mar. Elle arrivait, elle arrivait. Oui. Los Del Rio, Los Del Rio. Non, non, non. Si, si, Los Del Rio. Non, non, non. J'attendais du Magic System et des trucs comme ça pour moi. Voilà. La vraie version, c'était Los Del Mar, et sauf qu'Energy a passé Los Del Rio à l'époque parce qu'ils avaient des points sur cette chanson-là. C'est vrai, c'est vrai. L'original, c'était Los Del Mar. C'est vrai. Oh, même Macarena. Oh là là là là là là. J'étais à fond, j'essayais de retenir les gars dès que tu étais. J'avais des coups. Je ne suis qu'une déception, Camille. Oh là là là là. Alors, Eddie. Eddie, fais-moi le malin là. Alors, c'est comment? Ça c'est sent comment? Ça a quelle odeur la défaite? Ça souffre un peu, tu vois. Eddie, tu sais quoi? Je t'accorderai une revanche la semaine prochaine. Ah ben avec plaisir. Mais alors pas sur les tubes de l'été puisque évidemment. Les tubes de l'hiver. Non mais plus galère. En vrai, je m'en sors bien parce que je connais pas du tout. En plus, c'est pas mon domaine, mais tout ce qui est Sandy Valentino et tout, c'est plus mon domaine. C'est pas vraiment des tubes de l'été, ça. Ah, quand même. Gros tube de l'été, Sandy Valentino. Un peu, si, si, si, un peu. On n'a jamais su d'ailleurs pourquoi tout ça n'arrivait qu'à elle. J'en sais rien. Mais pareil, c'est comme l'orange du marchand. On n'a jamais su qu'il avait volé cette foutue orange. Il y a eu des doutes. Il y a eu une enquête, monsieur. Michel est incarcéré depuis 12 ans. On est pas sûr que ce soit. Pour l'instant. Eddie, mon bichon, je t'embrasse très fort. Merci d'avoir joué avec nous. 9h01. Un dernier point sur l'actu. Et dans un instant, nos invités. Et ils vont chanter en live pour nous Strong and Beautiful, leur tout dernier single. C'est Superbus qui seront avec nous dans 2 minutes à peine. Ils vous paieront votre loyer aussi. À 9h20, c'est parti. L'actu, on revient tout de suite. Virgin Radio, bientôt 9h. Vous avez encore rêvé de petits fours et de moments entre amis. Ne rêvez plus. Pour les amoureux de l'apéro, Passe au Traiteur a créé le World Apéro Day. C'est le 11 juin et c'est la première journée mondiale de l'apéro grâce à Passe au Traiteur. Plus d'infos sur worldapéroday.com. Bienvenue à tous sur Virgin Radio, vous êtes ici à la maison, vous le savez, et l'actu dans toute la France, c'est avec Tristan Sarah. On parle beaucoup de météo, forcément, mais plein d'autres choses aussi. Tristan, on t'écoute, mon pote. Oui, bonjour à tous, et avant de revenir en détail sur les inondations, la tendance est à une météo très mitigée pour ce week-end. Toujours du soleil sur la Bretagne, mais ça va se couvrir sur le sud. Des orages et de la grêle attendus sur les régions de la Méditerranée, de la pluie en Ile-de-France. La région parisienne et la région centre qui restent donc en alerte aux inondations. Ce matin, la Seine-et-Marne est maintenue en vigilance rouge face à la montée des eaux. La Seine pourrait atteindre un pic de 6 mètres dans la journée. De nombreuses routes sont inaccessibles, tout comme les voies sur berge à Paris. Une partie de la ligne C du RER est coupée. Fermé aussi le musée du Louvre pour mettre certaines œuvres à l'abri. Le plan de protection est déclenché au musée d'Orsay. 19 000 foyers privés d'électricité ce matin dans le sud de l'Île-de-France et dans le Loiret. L'armée a évacué plusieurs centaines de sinistrés dans le Loir-et-Cher. Troisième jour de grève consécutif à la SNCF. Le trafic sera encore très perturbé aujourd'hui avec à peine un TER sur 2 et 6 TGV sur 10. La situation devrait se débloquer lundi avec une ultime réunion de négociation sur l'organisation du travail. Ça va mieux dans les raffineries, mais les ports sont toujours bloqués au Havre et à Marseille. Attention, grève des pilotes Air France dans 8 jours du 11 au 14 juin. 4 mois de prison avec sursis pour un gérant de bar de Clermont-Ferrand. Il a été reconnu coupable d'homicide involontaire après la mort d'un client et qui avait remporté un concours d'alcool dans son établissement. Près de 800 kilos de cannabis saisis en 3 jours dans le Languedoc-Roussillon. La cargaison a été découverte par les douaniers de Montpellier et de Perpignan dans des véhicules en provenance d'Italie et des Pays-Bas pour un total estimé à 6 millions d'euros à la revente. Le chanteur Prince serait bien mort d'une overdose de médicaments. C'est en tout cas ce qu'annonce un quotidien de Minneapolis. Des antidouleurs à base de d'opium, pas de confirmation officielle pour l'instant. Daniel Craig change de costume, terminé James Bond, acteur britannique s'apprête à tourner dans une série qu'il va co-réaliser. Elle va s'appeler Purity, pureté en français, et le tournage débutera l'an prochain, un total de 20 épisodes. Les demi-finales aujourd'hui à Roland-Garros. Côté femme, Serena Williams face à la néerlandaise Kiki Bertens et l'espagnole Garbin Muguruza opposée à Samantha Stosur. Chez les hommes, Andy Murray contre Stan Wawrinka et Novak Djokovic face à Dominic Thiem. Et puis nous sommes aujourd'hui à une semaine de l'ouverture de l'Euro 2016 de football. Les Bleus joueront leur dernier match amical demain contre l'Écosse à Metz avant le coup d'envoi de l'Euro. Ce sera vendredi prochain donc à Saint-Denis contre la Roumanie. Voilà pour l'actu. Tout de suite, c'est Camille Combal et toute son équipe. Très bon réveil. Vous tous les amis, belle matinée, bienvenue sur Virgin Radio 9h04. Vous êtes ici à la maison, bien sûr. On est là jusqu'à 9h30 et bien plus tard, hein, même, je pense, ce matin. On a encore plein de choses qu'on veut faire avec vous. Déjà, vous offrir votre loyer. Loyer au 7 12 13 par SMS. N'hésitez pas à vous inscrire. On aura un dernier gagnant. On a déjà offert pour 3 100 € de loyer depuis 6h20 ce matin. Il reste un dernier tirage. On veut absolument un gagnant ou une gagnante. Donc inscrivez-vous. Loyer au 7 12 13. Si c'est déjà fait, laissez faire la chance, ne vous ruinez pas en SMS. Vous serez peut-être le dernier gagnant de la matinée. Et le pop rock électro de Superbus qui va arriver, puisqu'ils vont chanter dans un instant en direct Strong and Beautiful. C'est nos invités, on peut les applaudir très très fort. Les Superbus sont avec nous. Superbus, Superbus, Superbus. Ça va les copains? Ça va très bien. Alors il faut allumer, il faut. Alors attendez, on se met bien devant. On est bien. Alors Jenny, on sait pas ce qu'est un micro ou quoi là? Si, on sait très bien. Comment ça va? Alors à 9h05 déjà, chanter dans quelques minutes, c'est pas simple? Non, déjà. C'est vraiment pas simple, donc Jenny Ferriach est avec nous. Et alors là, il y en a un pour qui c'est encore moins simple, c'est mon patoche. Patrice, ouais, alors là. Pas du tout pour lui. Ouais, mais j'ai même pas eu le temps de prendre mon gilet. Alors on se connaît depuis un petit moment avec les Superbus et c'est vrai que Patrice à chaque fois il me fait ce plaisir là, il met son petit gilet de serveur quand il vient me voir et là aujourd'hui non, on est rock quoi. Ouais, non mais Jen m'a appelé à 8h10, c'est bon t'es prêt? Je fais ah merde, je voulais tellement que ce soit une journée normale tu vois pour la sortie de l'album de pas y penser. Putain, eh ouais, tu voulais pas te stresser. Oui, Laure. Patrice, il a des yeux, c'est soit il rit, soit il voit. Quand il rit, moi. En fait, je vois jamais, en fait. Les amis, on est très heureux de les accueillir. Jenny et Patoche, bien sûr, puisque c'est la sortie, ça y est, de l'album. C'est aujourd'hui Six Tape. Ok, c'est la pression, forcément? Oui, enfin, on est bien, on est content là. C'est le combien d'album? J'ai l'info, mais. Sixième. Sixième album. Waouh. C'est énorme. Six Tape. Ah, oui. Jeu de mots. Ah, mais c'est bossé là. Ah, il y a eu un brainstorm là. Ah, bah, il y a eu un gros brainstorm. Ils sont partis 4 mois à San Francisco pour faire un gros travail. Ils ont bossé en mini-groupe pour sortir ce don. Et donc, l'album sort enfin aujourd'hui. Alors, Strong and Beautiful, bien sûr. Vous êtes venu d'ailleurs le faire écouter la première fois ici sur Virgin Radio. Ouais. Tout à fait. Strong and Beautiful. Et vous allez le chanter en direct dans un instant. Trop bien. Le temps d'enlever l'intraveineuse de café de Patrice, c'est pas simple. Alors Superbus, bon alors, hey, vous avez tout le temps été sur Virgin Radio, ouais. Depuis les débuts. Ouais. Ouais. Et je me disais tout à l'heure, est-ce qu'on pourrait pas rebaptiser le studio Indochine, le studio Superbus? Ah mais direct, ouais. La classe, hein. Claire, c'est le studio Indochine. C'est vrai. Et ouais. On les voit pas Indochine, ouais. Qu'est-ce qu'ils font Indochine? Bah ils sont par là aussi. Je sais pas. Ouais, bah non, on les voit pas. Ils ont fait quoi Indochine? Il y a un autre studio, on peut prendre un autre studio nous. Alors. Bah alors, t'as pas dû faire le tour de la radio, ça m'a. On a pas 9 ici, hein. Je te cache pas. On a tout mis dans celui-là, déjà on a un peu ric-rac, je te cache pas, c'est mon père qui a fait les meubles et tout, donc il est fort. On va pas s'en sortir, il est bon, hein. Oui, Laure. On peut mettre un petit post-it sur le panneau et mettre Superbus à la place. Oh, ça va devenir le studio Superbus. Je vous le dis officiellement, okay. On va faire une grande cérémonie. C'est, bravo. C'est sympa, franchement. C'est beau. Alors à ce moment-là, tu mets un bon coup de marqueur et tu mets notre nom en dessous, ça va être encore plus classe. Ouais. On met Patoche. Mais je vais vous le dire mieux, Jen, Patoche. Le prends pas mal. Studio j'aimerais Patoche. Que ce soit Studio Patoche. Oh, ça, ce Jen, tu le prends pas mal. Hein. Pas du tout. Avec une photo de ma gueule en train de rigoler, c'est ça? Tu sais quoi? Et après, même, je veux faire comme au musée Grévin, j'aimerais qu'on mette une vitrine et dans la vitrine, comme dans les planètes Hollywood, les restos, ton gilet. C'est hyper cher. Genre, non, il est exposé, tu sais. Comme mais les gants de Rocky dans les palettes Hollywood. Les gens demanderaient, mais c'est le vrai. Ah ouais, je le connais. Ah bah c'est le vrai gilet. Il en a servi des panachés celui-là. Il a bossé avec, c'est bon. Et on peut pas se maquer comme les stades en plus avec une marque. Ah, le studio Patoche Porsche. Ah ouais. Ah ouais. Ça c'est ça, Porsche. Ils font ouais, des gilets ça. Porsche. Ouais. Ils font des gilets. Ouais. C'est en cuir, quoi, c'est joli. Ah, je remets en cuir. Ah bon? Je le mettrai la prochaine fois. Faut pas tout dire, hein, des fois. Bon, faut garder mon patoche. Fais-moi confiance, parfois il faut un jardin secret. Hein. Un peu de mystère. Sois pas trop open, quoi. Ouais, c'est ça. Et je porte des strings souvent en concert. En cuir. Patoche, tu te lâches beaucoup trop. Bon, alors, hey, vous, quand même, le groupe, ça c'est formidable aussi. Alors, on en parlait parce qu'on s'est croisés il y a pas longtemps. Vous êtes quand même venus à ma maison faire un concert. Ouais, c'était ah, super. C'était génial. Ouais. Alors, la soirée était bien. Le lendemain avec les voisins, c'était. Ah ouais. On était plus dans le rapport de force. Mais en tout cas, on a passé une très bonne soirée. Et quand même, on s'est rappelé, vous êtes ensemble depuis 99, le groupe. Ouais. C'est un truc de dingue. Ouais, c'est un truc de dingue. Siècle dernier. Non, mais c'est fou, parce que normalement, les groupes, ça split, hop, ça se sépare, ça machin. Vous, vous êtes là, vous retrouvez tous les quoi, 3-4 ans? Non, ouais, enfin, là, ça fait 4 ans qu'on n'avait pas sorti d'album, mais sinon, on enchaîne, hein. On enchaîne depuis longtemps, là. Et les tournées avec que des garçons, c'est comment, Jen? C'est pesant, quand même. Des fois, c'est pesant. Mais on s'y fait. D'ailleurs, vous repartez en tournée, c'est à partir d'octobre, ouais, je crois, octobre, que vous reprenez la route. Bon, vous avez des dates quand même cet été. Alors, et à partir d'octobre, vous pourrez applaudir les superbus partout. J'ai du Grenoble. Il y a du Grenoble. Il y a du Grenoble, la cuvette, hein. Attention, il fait très chaud et très froid à Grenoble, hein, ouais. Je vous le dis. Après, on part à Rouen, à Lille, à Strasbourg, à Saint-Étienne, à Saint-Ave, à Paris. Vous allez où à Paris? Trianon. Oh là, excuse-nous là. Pardon. Non, enfin, un gilet en strass là, hein, vous prévoyez, hein. Et puis à Rennes aussi, bref, tout le mois d'octobre, novembre, décembre, vous pourrez applaudir les superbus partout, parce que l'album va cartonner. C'est Six Tapes, les amis. Alors, vous avez quand même vendu 1,5 million d'albums. Ah, hein. Et ouais, quand on voit le t-shirt de Patoche, c'est vrai que ça saute pas aux yeux. Mais pourtant, ça j'ai bien fait de venir. Les amis, c'est un faux t-shirt pourri, tu sais, c'est des trucs merdiques mais chers, quoi. Ouais. Ouais. Ah, ouais. C'est un truc, donc c'est ça. Si t'achètes une merde, chère. Ah ouais. Troué. Il y a des trous, non, dans celui-là. Non, il n'y a pas encore. Ah. Non. Ça, c'est pour d'autres raisons. C'est les tournées, hein, qu'est-ce que tu veux. Alors, attention, les amis, on va chanter en live. Enfin, pas nous, parce que ce sera un drame, mais vous allez chanter en live, donc, le premier single. Ils l'ont sorti le 4 mars, ils sont venus nous le présenter ici sur Virgin Radio, Strong and Beautiful. Avec Nico. Ouais. Avec, oh, c'est vrai? Bah oui. Avec Nico Wu, le musicien de l'équipe. Je suis en guest. Ouais. Oh là. Je suis ravi. Tu dois avoir une pression, toi, je te connais. Et moi, je fais des petits djembé, là. Elle a pris son petit djembé? Non, c'est allumé. Ah, pareil. On a un petit djembé pour Jenny. Patoche est à la gratte. Nico Wu, le musicien de l'équipe. C'est gentil de le faire participer. D'avoir une pression, je le connais. Strong and Beautiful, c'est en direct sur Virgin Radio. Toutes les images, évidemment, à retrouver sur nos réseaux sociaux. Sur Facebook, en Facebook streaming, allez-y. C'est parti, merci, vous me faites l'intro, c'est sympa. Voilà. On y va, les superbus, on peut les applaudir. Ils sont en live sur Virgin Radio, l'album Six Tapes sort aujourd'hui. Il est canon. Je fais des ronds sur des feuilles, je fais du collage. Le ciel blanc sur cette ville, c'est ça mon paysage. J'examine mon corps, je touche mon visage. J'ai quelques doutes sur mon sort, je reste sauvage. Et belle. Je fais des dessins bizarres et des quadrillages. 100 fois j'ai refait l'histoire, je rêve de voyage. Je compte encore sur mes doigts, c'est plus de mon âge. Le temps passe, je me vois coincé dans ma cage. Et si tu m'appelles, oh, si tu m'appelles, ça me trouvait strong. Yeah. Magnifique. Eh, bravo les amis, merci de vraiment de venir nous voir. Et alors, je sais que c'est en plus t'es canon Madjen, et vraiment parce que c'est chanté à 9h du mat. Oui, là c'est. Mais on est bien, on est. Ah non, mais bah, on est entre amis, mais vraiment ça me fait très très très plaisir. Vous nous avez fait un très beau cadeau. L'album sort aujourd'hui. Comment s'appelle-t-il? Six Tape. Et merci. Pourquoi? Comment? Et pourquoi? Parce que c'est le sixième. C'est le sixième. Parce qu'il te tape dans la gueule. Tu l'écoutes, tu te le prends pleine gueule l'album. C'est comme ça. Bravo aussi à Patoche hein, quand même à la guitare. Bravo à Nico Bou, notre musicien. Merci Nico. Oh là là, gratte et tout. Là. Ça y est, ça y est, t'es fait partie des Superbus. Hein. Ouais, un peu, ouais, c'est ça. Ah, ils vont nous le piquer. Hein. Ah bah ouais. Est-ce le sixième. Est-ce que tu préfères faire Francis Cabrol ou rentrer dans Superbus? Fais un choix. Bah, Superbus. Ah ouais, merci. C'est pas une super idée. Les amis, c'est ce qu'on va faire. On va faire une courte pause. Très bien. C'est important parce que quand même avec tout ce qu'a bu Patoche en café, on a besoin de faire rentrer un peu de blé. Je pense que là on va être ricrac. Heureusement qu'on a une super pub Bouygues Télécom, ça va nous remettre un peu dans le vert. Et puis après alors celle de Alinéa, ah bah, ouais, c'est bon. Celle-là. Il y aura le jingle à Alinéa. J'espère. Si c'est dossier, j'y vais aussi, bien sûr. N'hésitez pas, des super pubs. Là vraiment c'est rare qu'on vend pas assez les pubs, je trouve. Ouais. La pub But. Oh la pub elle est énorme. Restez avec nous, la pub But, c'est une aventure. Hein. Ah ouais vraiment. Ah c'est un voyage. Les amis, restez avec nous. Très très courte pause. Les Superbus restent avec nous. C'est eux qui vous payent votre loyer dans un instant. Joyeux 713 par SMS. Vous vous inscrivez. Eh, ça va, 1,5 million d'albums vendus. On peut payer quelques loyers. Bon, non. On le fera, mais c'est vous qui appellerez les gens en direct dans un instant. Restez avec nous sur Virgin. Soyez les bienvenus vendredi aujourd'hui. Beaucoup de courage à vous. Et il y a aussi ta chanson Rien qu'à toi. On chantera pour vous une chanson qu'on va créer en quelques secondes. Et vous devrez chanter aussi les Superbus avec nous. Ah, vous n'êtes pas venus pour rien. Hein. Vous avez prévu, vous êtes là jusqu'à 13h. Hein. Restez avec nous sur Virgin Radio. Bon réveil à vous tous. Merci de nous avoir choisis. Antivichère est bel et bien chez Intermarché. Eh oui, venez jouer en faisant vos courses. Il y a des millions de cadeaux à gagner. Et pour un produit acheté, le deuxième est gratuit. Eh oui, le deuxième est gratuit. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Règlement du jeu, modalité, magasin participant sur intermarché.com du 31 mai au 5 juin. Tiens, la fashionista, le prospectus But. Oh, la nouvelle collection, merci mon chéri. Toi qui l'aimes porter, que lui top tendance. J'aime quand tu me parles comme ça, Pierre. La top tendance du canapé, de la déco, du salon, ça va t'aller comme un gant. La nouvelle collection est arrivée chez But. En ce moment, profitez des nouveautés à prix de lancement. But, c'est nous. Produits signalés en magasin et sur but.fr. Dis, est-ce que tu m'aimeras toute l'année? Bah pourquoi tu me demandes ça? Parce que pour ces 20 ans, oui. Bouygues Télécom offre la 4G illimitée les week-ends, toute l'année. Ah bah si c'est illimité, je t'aimerais toute l'année, oui. Sur tous les week-ends. Ah là là, tous les mêmes. Quoi, tu veux... Chez Bouygues Télécom, pour nos 20 ans, encore plus de plaisir avec la technologie. Cette semaine, découvrez le nouveau forfait Sensation 5Go, le premier forfait avec 4G illimité tous les week-ends. Rendez-vous vite en boutique. Engagement 24 mois, bonus week-end illimité valable 24 mois, offre soumise à condition. Air France. France. La France. Is in the air. Je suis un poème d'Hugo, tu es une chanson de crooner. Je suis le raisin, tu es la pomme. Je suis une blanquette de veau, tu es un hot dog. Air France. France. La France. Is in the air. Avec Air France, découvrez New York au départ de Paris à partir de 528€ aller-retour, tout compris, jusqu'au 8 juin. Tarifs, offres et de services pour des départs du 1er novembre au 11 décembre 2016. Carrefour, à vos côtés avec les Bleus. Dites, tout le monde a son maillot pour soutenir les Bleus. Les matchs commencent bientôt, non? Tout à fait. D'ailleurs, on est passé chez Carrefour avec Tristan. Le maillot de supporter de la Fédération Française de Football est à seulement 9,90€. Il me va bien, non? Oui, oui, il n'est pas un peu serré? Mais non, j'ai trop de muscles, c'est tout. Papa, en fait, je crois que t'as pris le mien. Jusqu'au 6 juin, dans vos hypermarchés Carrefour, le maillot de supporter de la Fédération Française de Football est à 9,90€. Blanc bleu 100% polyester existe de la taille S et XL pour adultes. Carrefour. Intersport. J'adore l'été, je vais profiter, camper, marcher et même nager. Tout ce sport, ça me fait rêver. Vous allez adorer l'été chez Intersport. Dès le 25 mai, les chaussures en toile homme Jack & Jones sont à 24,99€ au lieu de 39,99€, soit 37% de réduction. Intersport, le sport commence ici.

Alors vous savez, je vous ai jamais mis dans des pièges, vous qui nous écoutez. Je vous ai conseillé que des albums fantastiques. C'est vrai. Et bah celui-là, il en fait partie. Ouais. Hop, Six Tape, les amis. Foncez, vraiment. Il est super bien. Et bientôt en tournée à partir du mois d'octobre. Mais pour le moment, Patoche, Jen, vous allez payer le loyer de quelqu'un. Ah, le principe est simple. Toutes les heures, les gens s'inscrivent. Loyer au 7-12-13. Dernier tirage au sort, Jen. C'est maintenant de la semaine. De la semaine. Quelqu'un décroche, vous lui dites bonjour, la politesse. Ouais. Hein, on commence, je sais pas comment ça se passe à Naples, mais chez nous, on dit bonjour aux gens. Ah, bonjour. Bonjour. Et ensuite, vous leur demandez quelle est la seule radio qui paye leur loyer. S'ils répondent Virgin Radio, c'est gagné. C'est gagné. Mais attention, faut pas qu'ils raccrochent. Ah, mais non, faut pas qu'ils raccrochent. Ouais, sinon, on peut pas les rappeler. C'est perdu. Okay. Ouais. Il faut pas qu'ils décèdent non plus. Ça va. Ah, non, ouais, oh. On y va, c'est parti. Dernier tirage au sort, bonne chance. Il faut leur dire qui on est. Allô? Comme vous voulez. Salut. Allô. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. C'est qui la radio qui paye ton loyer? Virgin Radio. Jen, elle nous l'a fait, mais en ado qui a pas envie. Ouais, c'est mon père du bonos. C'est mon père du bonos. Il m'a déjà posé la question. J'ai pas envie. C'est quoi la radio qui paye ton loyer? Vas-y. Même pas de scooter. J'en ai marre. Je vais fuguer. L'ado rebelle, quoi. C'est quoi la radio qui paye ton loyer? Ok, c'est fait. Merci. Laisse-moi tranquille, Camille. C'est bon. Je suis sur Candy Crush. Je te fais affaire. Je vais fuguer. Ras-le-bol. Parents, je suis rupture sociale. Je descends dans la rue. C'est pas normal. Je monte un groupe. Bah oui, c'est fait. Je l'appelle super bus. Ras-le-bol. Ça va, Isa? C'est Isabelle? Oui. Salut, Isa. T'as été tirée au sort. Ah, merci. Par SMS. Virgin Radio? Ouais, c'est Virgin Radio. T'as été tirée au sort par SMS. Tellement ringard. Je puisse WhatsApp et tout. Mais bon, on s'en par SMS. Isa, t'as quel âge? J'ai 52 ans. 52 ans, c'est la nouvelle vingtaine, ça, Isa. Tu sais, t'as pas l'air sûr, mais c'est ça, hein, Maïsa. D'accord, c'est Virgin Radio, c'est sûr. À moins qu'il y ait des gens qui fassent des canulars de chez eux avec les superbus. Et faites attention, il y a plein de gens, il paraît, qui essaient de vous piéger se faisant passer pour des radios, on n'est pas les seuls, hein, et qui essaient de vous dire oui, maintenant vous avez peut-être gagné votre loyer, donc il nous faut votre compte bancaire pour faire le virement. Mais non. Et plein de gens se font arnaquer. J'ai vu un article hier sur le point. On s'est fait griller l'or. Non, faites bien attention, il n'y a que 4 tirages, c'est en direct, 6h20, 7h20, 8h20 et 9h20. Sinon, c'est de l'arnaque. Isa, tu es en direct sur Virgin Radio, tu as bien répondu et je vais te payer ton loyer. Il est de combien? 690 euros. 690, très bien. Oui. T'habites quel coin? J'habite à Cluny, en Saône-et-Loire. D'accord, très bien. Eh bien, tu seras notre dernière gagnante de la matinée. Je suis très contente de t'avoir parlé, Maïsa, et ça veut dire que grâce à toi, on a offert 3800 euros de loyer ce matin. Bravo. Mais oui. C'est génial. C'est fabuleux. Ok, Isa? Merci. Ben, merci à toi, ma chérie. Merci de nous écouter le matin, ma belle. Je t'embrasse. Merci. Isa, t'as pas l'air d'y croire. Je fais un petit peu, oui. Bah, on lui dit, c'était une blague. Mais non. Isa, je te jure, tu pourras réécouter, t'es en direct sur Virgin Radio et t'as bien gagné. D'accord, merci. D'accord, merci. On t'embête pas. Merci. Merci, Isa, qui a gagné son dernier loyer de la semaine. Faites-moi le compte de combien de loyers on a offert encore cette semaine. Voilà, on essaie de vous faire plaisir toutes les heures. Les amis, Superbus, vous restez parce qu'on va chanter encore ensemble. Puisque là, il est temps de passer. Avant de partir en week-end, avant de laisser la place à Pierre-Alex. Oui, bonjour les amis, c'est un plaisir de vous voir Superbus ce matin. Salut PA. Cœur sur toi. C'est parti, c'est ta chanson avec à toi. On chante tous ensemble une chanson que pour vous, qui raconte votre vie. Oui, youpi. C'est ta chanson rien qu'à toi. Oh, rien qu'à toi. Rien qu'à vous. Et juste après, Pierre-Alex commencera avec le tout nouveau Lost Frequencies. Voilà. On est les tout premiers en France à le jouer. Wow. Voilà. La première radio, c'est nous. Et vous allez le découvrir dans quelques minutes. Il s'intitule Beautiful Life. Vous restez là. Strong and Beautiful, Beautiful Life. Voilà. Parce qu'il copie un peu Lost Frequencies. Ouais. T'inspire un peu sur Jen. Ouais. Attention, ce Lost Frequencies, fais gaffe à ta gueule. Les amis, on est parti, chanson incantatoire. On va chanter pour Lucas ce matin, mon patoche et Badgen. Excuse-moi, j'arrive plus à dire patoche. Lucas, ça va mon poteau? Ça va bien. Salut Camille, salut l'équipe. Salut, je suis ravi de t'entendre. Tu t'es inscrit sur Facebook, on te rappelle au 3916. Tu nous racontes tout ce que tu veux sur ta vie. On le note sur un petit bout de papier et on crée une chanson que pour toi en quelques secondes. Alors déjà, un gros bonjour à Superbus que j'adore et que j'écoute Salut. Depuis des années. Ah, salut à toi. Et puis, alors moi je m'appelle Lucas, j'ai 24 ans, j'habite Saint-Étienne. Je suis étudiant en master d'art, histoire de l'art et archéologie. Donc beau gosse. Wow. Tiens, Saint-Étienne, Superbus, il passe le 15 octobre. Oui, je sais, je suis déjà en train de me renseigner pour venir vous voir. Eh ben, oui, avec plaisir. On t'invite. Et alors là, je signe direct. Hein. Ah ben oui, mais écoute, c'est fait, je te promets, on te paiera les places. De toute façon, ils nous les offrent pas, Superbus, donc on va se procurer les places sur billets spectacle et on te les envoie. Mais promis, on t'invite, mon Lucas, c'est fait. Ah, nickel. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai un chéri qui vous écoute aussi ce matin. Comment il s'appelle celui-là? Il s'appelle Thomas. Ça fait combien de temps que t'es avec lui? Ça fait un an qu'on est ensemble. Oh, beau gosse. Ça fait un an. C'est un amour, il est très attentionné, mais alors plus maniaque, tu meurs. Ouais. Plus maniaque, il y a moi peut-être, hein. On en parlera en détail, ouais. Mais j'ai ce problème hein, quand même. Ah, je sais pas, est-ce que quand tu passes l'aspirateur, tu le passes sous les chaussons, sous les chaussettes et sous les pieds? Sous non. Les pieds, non. Il est pire que moi, non, sous est-ce les pieds, non. Est-ce que t'as déjà passé l'aspirateur? C'est surtout ça la question. Non, mais je suis très regardant quand ma chérie a passé. S'il reste des trucs, je gueule. Je suis hors de moi. Ouais, voilà. Bah, j'ai le même à la maison, voilà. Ok, très méticuleux. Donc Thomas, un an. Vous êtes rencontrés où? Oh, on s'est rencontrés, rien de très original, sur un site de rencontre. Oh, alors, quel site? Lequel marche, alors, du côté de Saint-Etienne? On s'est rencontrés sur Grindr. Ah, eh ben dis donc, alors, on cherchait pas l'amour, il est venu à ta rencontre? C'est un peu ça. Alors, Grindr, c'est comme Tinder, hein. Ouais. Évidemment, voilà, et vous matchez pas, et apparemment, Lucas, il a bien matché. Ouais, bien matché, puisqu'à l'époque, il était au Canada, donc matché à distance. Waouh, tu vous êtes mis ensemble à distance et il est revenu en France pour toi? Ben, il était en vacances là-bas et on s'est rencontrés quand il était en vacances là-bas. Ouais, c'est fou. Et pourtant, c'est pas un truc de proximité normalement, ouais, Grindr. Il avait tellement la date, au Canada, il a mis à 80 000 km. Hein. Je veux prendre n'importe lequel. Donc voilà. Ok, bon Lucas, donc on sait tout ce que tu fais dans la vie, on sait plein de choses. T'aimes faire quoi dans la vie? J'aime faire plein de choses, notamment par rapport à l'art. Je travaille surtout sur tout ce qui est art, enfin relation entre l'art et les pathologies mentales, et sur l'art-thérapie. Ah, d'accord, c'est bah, intéressant. Ça a l'air compliqué, mais ça a l'air intéressant. Bah, on va t'envoyer nos dessins et puis tu vas nous dire ce qu'on a. Ouais, on peut faire ça. Non, mais surtout, Lucas, tu sais, je me permets un petit peu, là, du coup. T'as frappé à la bonne porte puisque je sais pas si tu suis un petit peu l'émission, mais j'ai fait une expo il y a de ça 15 jours. Je suis allé faire une expo. Ah ouais, Patoche, tu peux me regarder avec tes grands yeux. J'avais pas entendu. Eh oui, je suis allé faire une expo là, c'est le Camille 2.0 là. Oui. Nouveau départ. Bon, c'est l'expo Barbie hein. Ah ouais. On mais avec qui? Je suis allé faire l'expo Barbie. Mais c'est génial. Bah avec ma chérie, avec qui tu veux que j'aille? Bah pardon, excuse-moi. Oui, Laure. Bah elle écoute rien, Pauline. Mais t'es dans l'émission le matin ou pas? Bah des fois, je suis pas là. C'est fou ça, Clément. Et on peut aussi parler des petits dessins que tu fais sur tes feuilles des fois pendant l'émission. Ah, c'est bon. Parce qu'il va savoir ce que t'as. Bon, est-ce qu'on a assez d'infos sur Lucas? Ouais, moi je suis très animaux. S'il y a des infos sur des animaux, j'aime bien. On a besoin. Est-ce que est-ce que t'as des animaux domestiques? Un chat, un chien, un poney, un tigre du Bengale. Qu'est-ce que tu as chez toi? Une tortue. J'ai des lézards chez moi. Ah, bah, tu vois. Un caméléon notamment qui s'appelle Pascal et qui est une vraie star sur les réseaux sociaux. Ah, un lézard, Pascal le caméléon. Ah bon, mais t'as un vivarium et tout? Un terrarium, ouais. Ah bon, écoute, c'est affectueux un lézard, ça fait quoi? Un caméléon, c'est comme un chien ou un chat, quand il rentre, il te fait la fête parce qu'il est content de te voir. Ah bon, c'est dingue. Bon, écoute, très bien. Un lézard donc pour Lucas. Bon, là on a assez d'infos, les amis. Hein. On y va, on chante tous ensemble. Jen, j'aimerais que tu donnes tout. Là, c'est l'Olympia. On donne tout. Patoche, tu donnes tout, s'il te plaît. Lucas. Attendez, on peut faire une pause d'une seconde avant de chanter. On peut débriefer sur Patoche qui s'est changé entre les pubs. En Céline Dion, le gars, il a démarré l'émission avec une tenue. Genre, il y a eu la pub, il est revenu avec une autre tenue, je l'avais pas vu. Mais non, mais c'est quoi? Mais t'es Whitney Houston ou quoi? J'ai mis un pull. Non, mais... Attention, s'il y a une autre pub, il a préparé une autre tenue. Là, c'est magnifique, c'est pour le final. Hein. C'est parti, on y va, ta chanson avec à toi, Lucas. J'espère qu'elle va te plaire. On chante tous ensemble avec Superbus que tira Saint-Etienne très vite. C'est parti. Lucas, tu es le bienvenu, Lucas. Oh, le bienvenu, Lucas. Installe-toi près de moi et prends un chocolat. si Clément les a pas tous mangés. Tu es le bienvenu, Lucas. Wow. Le bienvenu, Lucas. Lucas qui a un ami qui s'appelle Thomas et qui est maniaque comme Camille. On va en reparler. 24 ans de Saint-Étienne, étudiant en histoire de l'art, en master d'art et archéologie. Tu es une sorte de génie, ouais, en toute simplicité. Depuis déjà un an, tu as un copain, copain, qui s'appelle Thomas, père maniaque. Il essuie tout, tout le temps, comme Camille, tiens c'est marrant. Tu as des lézards, des caméléons, et malgré tout ça, on t'accueille à la maison. T'inquiète pas, tu es le bienvenu, Lucas. Oh, le bienvenu, Lucas. Toi qui aimes aider les gens, tu fais de la thérapie des géants. Tu es le bienvenu, Lucas. Bienvenu, Lucas. Ouais, toi qui n'aimes pas juger, ici tu seras bien. Même si ça sent un peu des pieds, parce qu'on a beaucoup de garçons, c'est pour ça. Tu es le bienvenu, Lucas. Bravo. Ciao, ciao. Un grand bravo à Lucas qui a écrit cette chanson en quelques minutes à peine. On t'embrasse très fort, on embrasse aussi ton chéri Thomas, d'accord? Ben merci, merci. Je peux juste vous dire un petit truc? Avec plaisir. Alors, je tiens à préciser que je suis épileptique et que grâce à vous, tous les matins, en vous écoutant, c'est le seul truc qui me calme pour aller au boulot sans faire de crise. Ah bon, mais franchement, ça me fait super plaisir de vous écouter tous les matins. Eh ben, t'es un ange. Eh ben, on est ravis si on peut te filer ce petit coup de main, mon Lucas. Merci mille fois, en tout cas, de nous être fidèles, de nous écouter le matin. Eh ben, merci à vous tous. Eh ben, on t'embrasse très très fort, mon bichon. Et merci vraiment, embrasse encore ton chéri. Les amis, on va applaudir très fort Superbus qui était notre invité ce matin. Strong and beautiful. Je crois qu'on chante plus que dans The Voice dans cette émission. Si on fait le cumul. Et mieux surtout. Oui. Bam. Allez. Les amis, l'album sort aujourd'hui. Foncez l'acheter. Il est vraiment génial. C'est des gens géniaux en plus. Je dis souvent à Jen, je dis déjà, voilà, vous êtes, on adore ce que vous faites en musique, mais en plus, alors on ne connaît pas tout le monde, moi, loin de là, dans ce métier, mais alors vous êtes les plus gentils que je connaisse, vraiment. Merci. Mais vraiment, vous êtes des amours, je vous aime tellement. On te retourne le compliment. Oui. Oh, tu parles, mais Patoche et Jen étaient nos invités, vraiment, je les aime tellement. Six Tape, donc foncez l'acheter aujourd'hui. Strong and Beautiful, vous continuez de le découvrir, bien sûr, sur Virgin Radio. Ils nous l'ont chanté en a cappella ce matin. Bravo à eux deux. On est ravis de vous avoir accueillis, les copains. Merci. Vous revenez quand vous voulez, hein. À la maison, vous n'êtes pas loin, vous êtes dans le coin. Patoche, tu sors de bois, tu veux passer. Tu viens. Il faut que le studio soit rebaptisé alors. Ah oui, ouais. Ce studio va devenir le studio Superbus. Ou Patoche, non? Studio Patoche, c'est cool. C'est rigolo. Franchement, vous allez le regretter, ça. Non. Studio Superbus. C'est bien pour raconter l'histoire après. C'est bien pour les artistes internationaux qui viennent après. Mais tu te rends pas compte. Superbus. Mais tu te rends pas compte. Le nombre de followers que t'as, je vais être Patoche toute ma vie maintenant. Mais non, mais t'es Patoche. Moi, dans mon cœur, tu seras mon Patoche à vie, mon Patoche. Je te le dis. Les amis, merci de nous avoir suivis cette nouvelle semaine du Virgin Tonic. On a vraiment kiffé avec vous. On vous a offert des beaux cadeaux, des places pour Adèle. La semaine prochaine, on va revenir avec des GoPro, des séjours au parc Astérix, des séjours aussi pour le Axbot Festival. Yes. Vous partez faire une. Bah, vous connaissez, hein, c'est une des plus grandes fêtes de l'été, complètement dingue. Et on vous offre le séjour tout frais payé. On revient lundi avec une question de ouf. Bien sûr, sur les réseaux, on vous met la question. Vous pourrez y répondre pendant deux jours. Vous pouvez nous suivre en podcast. Demain matin, on est quand même là, puisqu'entre 6h et 9h, il y a un best-of, bien sûr, de l'émission. On vous souhaite encore un très très bon courage. Courage en particulier à tous, voilà, à tous ceux qui ont connu un petit peu des problèmes avec les inondations. Il y a plein de régions sinistrées. Je sais que vous nous avez quand même suivi le matin. Vraiment, on a pensé très très fort à vous toute la semaine. Et alors, là maintenant, Pierre-Alex va démarrer jusqu'à midi et il va vous faire découvrir un titre. C'est le tout dernier Lost Frequencies. Il est énorme, on va l'écouter dans quelques secondes. Beautiful Life. Vous restez avec nous, Superbus, pour le découvrir aussi. Hein. Tout à fait, on y va. Là, vous allez vraiment être les tout premiers à l'entendre. Ah non, on est la première radio en France à jouer ce nouveau Lost Frequencies. C'est dans un instant chez Pierre-Alex. Merci encore à vous tous. Salut, merci les Superbus. Ciao. Salut. La plus grande tournée électro de France.